Blouse blanche pour Jésus, bonsoir. Habitué à la sirène. Rassurez-vous, les sirènes que vous entendez, ce n'est pas une urgence sur Bambaïba, c'est les hommes en blanc pour Jésus qui se réunissent ce soir encore pour examiner un autre cas de pathologie, non seulement des situations qui se posent en milieu chrétien et où beaucoup de croyants se posent des questions ce soir. Nous avons l'avis des experts ce soir avant de toucher du côté spirituel. La sœur Reine, bonsoir, habituée à entendre les bruits des urgences. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Vous voyez effectivement qu'elle est, c'est sûr qu'elle a en urgence, dans l'urgence, elle ne veut pas parler fort pour réveiller pour exciter encore le rythme cardiaque. Donc, ça va la sœur, hein? Tu es en forme, n'est-ce pas? Ça va, mon frère. Le frère Yassine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mes frères et sœurs. Merci, bonsoir. Du côté du Canada, bonsoir la sœur Karine. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Oui, les experts sont sur le plateau. La sœur Loris, du côté de France, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Visiblement dans l'obscurité, je crois que dans la salle du genre, on n'a pas coupé la lumière là-bas. Non, c'est pas ça. Dans le livre de Luc au chapitre En fait. 8, il est question d'une femme qui avait eu la perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme-là, la Bible déclare en disant qu'elle avait dépensé tout son argent, tous ses biens, chez les médecins sans qu'aucun d'eux n'ait pu la soulager, je sais quoi que ce soit, mais plutôt, la maladie allait de pire en pire au point où elle perdait du sang. Elle est venue par derrière pour toucher la robe du Seigneur Jésus. Elle se disait en elle-même, le véritable médecin. Elle allait en consultation, elle se disait en elle-même, dans ces cas d'urgence, s'il parvient à toucher le pan de sa robe, le pan de ses vêtements, je serai guéri. Elle a touché, la Bible déclare qu'une puissance, une vertu est sortie de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, pourquoi? Qui m'a touché? Les gens étonnés lui ont posé la question, Seigneur, Rabbi, tout le monde te presse. Et comment dis-tu, quelqu'un m'a touché? Et il dit, je sais que quelqu'un m'a touché parce que de la vertu est sortie de moi et je sais que j'ai touché. La Bible déclare que la femme, sachant qu'elle a été dévoilée, est venue se prosterner devant le Seigneur en disant, en dévoilant ce qui lui a été fait. Le Seigneur lui a dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Alors, cette cas pratique, écrit par un médecin, en l'occurrence, Luc, le médecin, nous pose des problèmes dans la médecine aujourd'hui. Nous allons examiner pourquoi la médecine est limitée. Quels sont les cas de la médecine où la médecine est limitée? Qu'allons-nous faire si la médecine est limitée? Quelle est la solution, l'approche biblique de toutes les choses que nous avons aujourd'hui? Très souvent, les solutions médicales sont totalement contraires aux Saintes Écritures, au point où les enfants de Dieu eux-mêmes sont vautrés à l'intérieur et ne parviennent pas à faire un choix pacifique par rapport à leur foi. Beaucoup se compromettent ainsi. C'est donc la raison d'être de ce plateau. Plateau des hommes en blanche, sanctifiés pour Jésus, pour les servir. Et je suis sûr et certain que les sœurs et frères qui sont là, les experts et ceux qui vont nous rejoindre, en consultation gratuite, bien sûr, sur Bambaïba, puisque ce sont des saints, ils ne demanderont pas un seul euro pour pouvoir le faire. Donc, si vous avez à contacter l'un des experts que vous allez entendre dans cet enseignement, ils sont en Allemagne, partout aux États-Unis, au Canada, en France. Si vous voulez les contacter pour leur expertise, ils sont gratuitement contactables. Vous pouvez contacter Bambaïba. Ou bien écris tout simplement à junior@yahoo.fr. Junior, c'est junior@yahoo.fr. Alors nous disons bonsoir encore une fois de plus à notre frère. Nous prenons une ponctuation musicale et on revient tout juste après. D'accord, mes frères? I am the God that healeth thee. I am the Lord your I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healed thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and heal your Doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God. Depuis l'évolution de la révolution scientifique dans les années 1700, le conflit entre la science et la foi naquit dans des universités, dans des rues, dans des publications, au point où chaque fois, la foi avait besoin d'être justifiée pour être crue par la science. Scientiviser la foi a été un objet qui a créé des troubles dans la foi et la raison de création de la religion, de la philosophie dans la religion, au point où les gens ont besoin d'attester leur foi par la croyance. C'est ainsi que ce conflit entre la science et la foi a produit des hybrides dans la foi aujourd'hui. Et chacune de ces choses, telles que la loi de Dieu donnée, ont toujours été testées par la foi. L'une de ces choses, c'est l'accouchement. Les accouchements difficiles dans les hôpitaux et beaucoup d'autres choses que nous voyons aujourd'hui a poussé certains scientifiques à penser effectivement que raison pouvait être donnée pour pouvoir trouver des solutions, donner des solutions aux maladies jadis considérées comme mystiques, jadis considérées comme spirituelles. Et c'est l'une des raisons pour laquelle dans le sermon d'Hippocrate, il est parlé des maladies qui ne peuvent être touchées et on ne fait même pas allusion aux maladies d'ordre spirituel. Alors, tout concept donc des maladies spirituelles est exclu et banni de la vie de la médecine moderne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet, l'accouchement par césarienne et le péridural ou bien épidural, selon qu'on a retrouvé dans un contexte d'épidémiologie et de terminologie de la science médicinale. Nous allons donner la parole aux experts qui nous expliquera en quoi consiste et le pourquoi on doit faire le péridural, comment ça a commencé, comment ça se passe, l'accouchement par césarienne, dans quel cas le pratiquer, comment on devrait le pratiquer, et puis on sortira avec ce qu'en pense la Bible de cette version de fait. Nous prenons le premier expert et une fois n'est pas coutume, nous commençons par le Canada ce soir. La sœur Karine Rebonsoir est bienvenue dans Blouse Blanche, Médecin pour Jésus, dans la sainteté. Bonsoir Frère Junior, bonsoir mes frères. C'est quoi la césarienne en fait? Je vais parler terre à terre. Je ne vais pas trop utiliser les termes médicaux parce que je sais que c'est tout le monde qui nous écoute. Oui. Mais je vais tout simplement dire que c'est une procédure qu'on utilise généralement pour faire sortir le bébé. Moi, j'utilise le bébé parce que c'est déjà un bébé. Le bébé du sein maternel, quoi. Oui. Et c'est une procédure chirurgicale, en fait. Et elle se pratique généralement parce que l'une des raisons médicales qu'on utilise souvent, c'est parce qu'il y a j'ai l'anglais dans ma tête, mais comme pour dire, Le pelvis, hein, ça c'est le français, ça, le pelvis, c'est ça? Oui. Et quoi d'autre? En français, on dit pelvis, hein. Je crois que tes collègues frères et sœurs espèrent sont là pour répondre. Donc, il y a une non-concordance entre la tête de l'enfant et le pelvis de la mère, ce qui fait que souvent, c'est difficile que l'enfant sorte. Et on utilise donc ce procédé-là pour permettre à l'enfant de sortir. Autre cas aussi, ça peut être quand la femme est déjà en plein travail et on n'arrive pas, l'enfant n'arrive pas à continuer son processus de sortie. Alors, on l'utilise généralement en urgence quoi, pour le faire sortir. C'est généralement les deux cas. Mais le troisième cas qu'on utilise, qu'on appelle césarienne élective, généralement, c'est les femmes qui ne veulent pas du tout avoir de douleur et qui choisissent ce procédé-là pour rapidement accoucher. Généralement, les actrices de films font beaucoup ce genre de procédé-là pour éviter d'avoir les conséquences qui suivent quoi, après l'accouchement et pour se remettre plus rapidement. Voilà à peu près ce que je peux dire sur la césarienne, quoi, en gros. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, un autre expert voudrait-il ajouter quelque chose? Le temps de dire bonsoir à notre frère Cyril qui vient de nous rejoindre maintenant sur le forum. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, soyez bénis tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la césarienne, sa pratique, son origine, c'est quoi? En quoi consiste la césarienne? Pourquoi pratiquer la césarienne? Dans quel cas pratiquer la césarienne? Quels sont les risques des césariennes? Quelles sont les questions que nous allons répondre aujourd'hui? Peut-on, malgré les cas médicaux documentés, malgré les examens médicaux présentés, peut-on refuser à la césarienne et accoucher par voie basse, dont on le dit comme le Seigneur le veut? Là, ce sont les questions que nous allons essayer de répondre ce soir. Que faire si une femme chrétienne est enceinte et le docteur lui dit, par exemple, qu'il y a rupture, que l'enfant, le rythme cardiaque de l'enfant, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle il doit faire la césarienne, le rythme pulmonaire de l'enfant, l'enfant perd en oxygène et il faut donc l'extraire, ou bien l'insuffisance de la poche d'eau, ou bien la faiblesse de la femme, l'incapacité de la femme à pousser, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, malgré que l'examen cliniquement présenté ainsi, est-ce que jusque-là, quelqu'un qui est chrétien et qui atteste avoir foi en Jésus-Christ pourrait se soustraire des conseils médicaux et croire au Seigneur Jésus-Christ? Quelle est la limite? Quelle est la limite de ces choses? Jusqu'où va notre croyance? Nous allons l'examiner au sortir d'ici à la lumière des Saintes Écritures. Et je vais le faire à le frère Yassine qui se dresse tout fièrement pour pouvoir nous expliquer encore quelque chose ce soir. Frère Yassine, tu as la parole. Ça dépend de quel côté de l'église on se trouve. Oui. Donc, en tant que patient, ce qui est sûr qu'on ne peut pas appliquer la césarienne sur toi. Donc, tu es déjà un homme, donc ça dit que tu es exclu dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, frère? Bon, ça, merci pour le rappel, ça c'est vrai. Bon, mais aussi, on a des sœurs qui sont médecins. Oui. Et bon, oui, c'est vrai que ça dépend de la foi. Quand une femme d'abord vient à l'hôpital, il faut d'abord connaître les indications. Oui. Donc, ça veut dire ce pourquoi, ou bien qu'est-ce qui lui donne droit, ou bien qu'est-ce qui implique, tu les as cités tout à l'heure, une percée de la poche d'eau. Par exemple, quand le pelvis, comme la sœur disait, quand le bassin est étroit et que l'enfant n'arrive pas à sortir. Bon. Et tu as aussi, je crois que la réponse est sortie dans l'une de tes phrases. Tu as dit selon la foi de chacun. Une femme qui vient et qui est chrétienne et qui a foi au Seigneur Jésus-Christ et qui a cette espérance-là, je ne crois pas que quelqu'un pourrait, n'est-ce pas, l'obliger à faire une césarienne. Bon. Celle qui a moins de foi, voilà, toi en tant que médecin chrétien, est-ce que ça rime avec toi de dire ok, je le fais ou je ne le fais pas? Bon, de prime abord, c'est vrai que ça c'est un cas difficile parce que si tu as une chance tout seul et qu'une femme vient et que tu te rends compte, tu es chrétien, tu te rends compte que voilà, elle va perdre son enfant pendant l'accouchement. Oui. Je crois que dans la deuxième partie, nous allons toucher cet aspect-là, la compréhension de la césarienne à la lumière de la parole de Dieu et ce que les gens devraient faire avec leur foi. Mais pour la première partie, restons sur la forme médicale de la chose. Permets-moi de toucher la sœur Laurice, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition. C'est vrai que la première édition, tu n'y avais pas été, mais ton expertise, elle est la bienvenue encore ce soir aussi. En tant que femme, en tant que membre de l'équipe médicale, sous un autre angle. Qu'est-ce que tu peux dire donc de l'accouchement par césarien en tant que femme ayant accouché aussi? Je pense que vous parlez de la césarienne, je pense que c'est des cas particuliers, hein. Chacun, parfois il y a des gens, c'est pas programmé et ça arrive en 10 minutes, on passe à la césarienne, donc franchement c'est assez délicat. Si on reste dans le niveau de la science, c'est vraiment au cas par cas, franchement. Moi, par exemple, j'ai accouché par voie basse, mes trois accouchements. Et je ne veux pas me cacher, hein, j'ai pris la péridurale pour les trois. Oui, et la notion de la péridurale, nous allons prendre effectivement à la suite de l'accouchement par césarienne. Et nous allons en voir en quoi consiste la notion de la péridurale, comment ça s'applique. Sur le troisième et quatrième vertèbre lombaire, et nous allons voir effectivement que c'est les risques de cela et le pourquoi la promotion de la médecine moderne. Et par la suite, nous allons sortir justement en voyant effectivement qu'il y a la péridurale. La Bible parle de la péridurale. Donc, oui, ma soeur, continue. Donc, franchement, la question est assez difficile au niveau médical parce que il y a des personnes au départ qui sont programmées à coucher par voie basse. En dernier ressort, ça arrive que ce soit la césarienne. Donc c'est très difficile à me prononcer à ce sujet. Je peux pas dire c'est difficile. Je peux pas donner une réponse fiable par rapport à ça. Oui. Alors nous allons du côté de la Belgique. Oui, ma soeur. Les collègues ou médecins en pensent. Mais... Oui, les collègues vont parler maintenant. Et après avoir analysé, nous allons donner le point de vue du conseiller. Au cas où si une femme venait à avoir des problèmes lors des accouchements, qu'est-ce que vous leur prescrirez en tant que médecin chrétien? C'est en ce titre de double casquette que nous examinons ce soir ces aspects culturels, médicinaux des différentes terminologies que nous allons examiner. Alors du côté de la Belgique, la sœur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je crois que là, elle est un peu plus proche du micro. As-tu déjà observé dans ta fonction, dans l'exercice de sa fonction, peut-être même lors de vos études, la compréhension ou bien l'explication de la césarienne, le pourquoi on applique déjà, signalons à l'entrée qu'il y a la césarienne programmée, la césarienne non programmée, c'est-à-dire ce qui arrive de façon spontanée lors de l'accouchement. Dans ce cas-là, comment vous gérez? As-tu déjà assisté à cela, ma soeur, et comment vous gérez cela? Avant de travailler aux urgences, vous m'entendez bien là? C'est un succès. Avant de travailler aux urgences, j'ai quand même fait une petite expérience en salle d'accouchement, mais en tant que plus ou moins pédiatre. Oui. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs indications de la césarienne. C'est vrai, comme la soeur disait tout à l'heure, il y a la césarienne élective qui n'est pas vraiment très pratiquée, soit en Belgique, soit en Italie, où je suis passée avant. Parce que selon la loi, une femme ne peut pas décider de faire la césarienne juste parce qu'elle ne veut pas avoir mal. Donc, les indications en fait de la césarienne sont, comme elles ont dit tout à l'heure, si on a un rythme cardiaque qui est anormal lors de l'accouchement, donc un travail qui est assez ralenti, ou si on peut aussi avoir des césariennes programmées chez des enfants. Quand on fait les échographies, on voit que le cordon ombilical est mal positionné. Parfois, ça fait des tours autour du cou de l'enfant. Oui. Et ce qui fait qu'un accouchement par voie basse, ça sera très difficile. Donc, il y a un risque au niveau concernant le bébé. Donc, on a aussi des césariennes programmées pour des grossesses multiples. Donc, on va dire multiple, déjà, ce n'est pas toujours dit que quand une femme a deux enfants dans le ventre, elle est forcément obligée de passer par la césarienne. Elle peut demander à accoucher par voie basse, mais il faudrait déjà qu'on voie, qu'on examine la position en fait des enfants. Maintenant, quand les enfants sont déjà trois, on programme la césarienne automatiquement. Il y a aussi le cas où le bébé est mal placé, donc il est en position transverse, ou les bébés en siège. Maintenant, en siège, ce n'est pas tous les bébés en siège qu'on doit faire la césarienne. Ça dépend de la position. En fait, si le bébé donne l'épaule, on peut demander de programmer la césarienne. s'il donne une partie de la jambe en fonction de la position du bébé qu'on va programmer la césarienne. Et il y a aussi des femmes qui ont un bassin qui est très, très étroit, comme on disait tout à l'heure, chez qui ne peuvent pas, en fait, avoir un accouchement par la Donc, ça, ce sont les différentes indications, plus ou moins, de la césarienne programmée en urgence en général. C'est quand on a des problèmes, on a le décollement de la placenta, on a la placenta previa, il y a autant de choses. Oui. Et aussi, si la mère, on sait déjà qu'elle est connue pour les pathologies cardiaques, qu'elle ne pourra pas pousser facilement, on programme aussi la césarienne. C'est des différentes méthodes. Moi, quand j'étais dans la salle d'accouchement, plusieurs fois, on a dû faire de la césarienne parce qu'effectivement, on se rendait compte que le bébé n'avançait pas comme il faut et si on ne faisait pas la césarienne, on risquait de perdre le bébé et parfois aussi la mère. Globalement, voilà les cas dans lesquels on fait des césariennes. Oui. Avec cette explication-là, est-ce qu'il est possible qu'une patiente qui vient, par exemple, pour l'accouchement et que l'accouchement ne doit pas se passer par voie basse, est-ce qu'il est possible qu'on fasse accoucher quelqu'un par césarienne sans son avis, au cas où il y a danger de mort sur la patiente? Est-ce qu'il est possible de la faire accoucher sans lui demander son avis? Si elle arrive en urgence, par exemple, si elle arrive, on remarque qu'elle a un décollement de la placenta. Ça, c'est une urgence. Elle passe directement en césarienne. On ne lui demande même pas son avis. Il y a eu des patients qui sont arrivés, elles ont dit, je ne veux pas la césarienne. Oui. Elles sont venues accoucher normalement. On leur a dit, le bébé n'est pas... Bon, disons, avec des échographies précédentes, on comprenait déjà que, bon, voilà, à ce niveau, le bébé, il est mal placé. Vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Oui. Et elles ne veulent pas faire la césarienne. Ici en Belgique, même, il y a eu un cas, une dame qui est arrivée, je travaille même, elle a dit, elle ne veut pas la césarienne. Ben, l'hôpital a refusé. L'équipe médicale, les gynécos ici, ils ont refusé de la faire accoucher par voie basse parce qu'on a dit que c'était risqué pour elle. Elle allait dans d'autres hôpitaux et on a refusé. Donc, il y a des médecins qui peuvent refuser. Quand ils ont dit que c'est la césarienne, ils peuvent refuser de faire accoucher la femme si elle insiste. Soit elle reste avec son bébé dans le ventre, voilà, elle essaie de trouver où est-ce qu'elle pourra le faire. Ouais. Alors là je pousse la question au loin parce que je vais présenter un paradoxe. Pourquoi les médecins, pourquoi une personne viendrait et malgré qu'elle constate que cliniquement parlant, elle ne peut pas accoucher par voie basse, cette personne refusant la césarienne, les médecins ne lui donnent pas tout simplement selon ses droits, ce qu'elle veut en lui permettant d'accoucher comme ça. Quels sont les risques? Pourquoi les médecins refusent? C'est-à-dire que si, selon l'évaluation échographique, les échographies, si on trouve par exemple que c'est une dame... on va dire, c'est qu'il y a un problème cardiovasculaire. Donc, elle ne peut pas. Ça veut dire qu'elle ne peut pas pousser comme une femme normalement doit pousser. Oui. Mais elle risque sa vie. Parce que si son cœur il lâche, c'est elle qui meurt. Oui. Non seulement elle risque sa vie, et aussi celui du bébé. Oui. Donc, ça, c'est déjà une raison. Si on voit aussi qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on préfère, selon la loi, on préfère garder la vie de la mère. Oui. Donc, je ne vais pas dire qu'on ne tient pas compte de la vie du bébé. Oui. C'est parce que je vais mettre ça entre guillemets. Mais en général, celle qu'on préfère privilégier, c'est la vie de la mère. Donc, le bébé, après, on va dire la mère, elle est là. Le bébé, par la suite, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Disons qu'on ne connaît pas encore. Mmh. C'est quelqu'un qui doit arriver. Donc, si je comprends bien l'explication. Si je comprends bien l'explication, ça suppose donc que si en cas de danger de mort entre le. Il faut faire un choix de supprimer quelqu'un. Lors de l'accouchement, les médecins privilégieront de protéger la maman et supprimer le bébé. Oui, bon, on ne va pas dire de supprimer, mais... Je vais vous prendre un exemple, parce que j'ai discuté avec ma collègue de Péléco, j'ai discuté avec elle il y a presque 2-3 jours, une semaine, plus ou moins. Et on discutait d'un cas qui s'est produit où je travaille. Donc, on a fait une échographie avant. On a dit à cette femme qu'elle avait une placenta in vitro. J'ai oublié le terme, donc ça veut dire, je vais vous expliquer parce que là, le terme m'échappe. Donc, la placenta, en fait, était dans le muscle de l'utérus. Oui. Et ça, c'est un très, très gros risque d'hémorragie. Ce genre d'accouchement ne peut pas se passer par voie normale. C'est impossible. En général, même chez ces femmes, on enlève tout l'utérus. Oui. Donc, dès qu'on... C'est-à-dire, on enlève l'enfant, on enlève tout du corps. parce que c'est des risques d'hémorragie. On ne peut pas vraiment décoller la placenta de l'utérus d'une façon, ça ne sert à rien. Oui. Donc, on avait fait des échographies qui montraient, j'ai oublié le terme, désolé, je vais le retrouver tout à l'heure, qui montraient cette placenta-là. Et du coup, on avait déjà prévenu à la femme que, bon, voilà, dès que vous sentez quelque chose ou si se passe quelque chose, vous venez en urgence parce qu'on lui avait expliqué. Oui. On avait alerté tous les hôpitaux. Si elle se trouvait dans un hôpital loin de Bruxelles, on avait vraiment envoyé des mails à tout le monde, à des chirurgiens, parce que c'était une grosse urgence. En fait, c'est une grosse urgence. Il fallait que toute l'équipe soit mobilisée. On avait même fait une résonance magnétique. On avait tout fait, en fait. Tout était en place. Oui. Donc, la femme est hospitalisée. Et voilà, une nuit, la sage-femme se rend compte que la dame est en train de souffrir. Peut-être c'est le moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Elle commence à saigner. Voilà, elle court tout le monde en salle opératoire. On essaie de faire tout ce qu'il fallait parce qu'on ne s'attendait pas que ça se passe là. Mmh. Donc, ils arrivent en salle opératoire, tout le monde est là. La femme, elle saigne. On est en train de faire une césarienne qui ne se passe pas comme il faut, en fait. Elle est en train de saigner, le bébé et tout ça, le bébé qui sort, il n'est pas bien, les pédiatres et tout cela. Tout ça pourquoi? On s'est trompé dans le diagnostic, ces femmes n'avaient pas cette pathologie. Mmh. Donc, on a fait tout, on a mobilisé toute une équipe, tout le monde était dans la folie. La femme, elle a saigné et tout ce que ça pouvait, le bébé, il est sorti parce que la césarienne aussi, ça c'est risqué. Hein. Oui. Il est sorti un tout petit peu en arrêt, après on l'a réanimé. Mais. Après, on s'est rendu compte que cette dame, on avait fait tout ce bazar, mais en fait, elle pouvait accoucher normalement. On avait mal lu les images, les échographies, c'était pas bien fait. Donc, pas bien fait, je veux dire. Ça, c'est une des, on va dire que ça, c'est une des limites de la médecine, en fait. Parce que la résonance avait été voulue par le chef du service. Donc, on va dire le maestro de lecture des résonances. Oui. Et lui, il pensait que c'était ça. C'est vrai que c'est un diagnostic difficile à poser, oui. Mais on peut dire que voilà, il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver. Donc ça veut dire, malgré que la médecine présente, pour le cas d'espèce, je crois que le cas que tu as de présenter, c'est le cas de ce qu'on parle de le placenta praevia. C'est-à-dire que le col du placenta est juste placé devant c'est ça? Non, placenta accreta. Accreta. Exactement, c'est ça. Voilà. Accreta, prévia, ça veut dire c'est devant. Accreta, devant, ça devant. Veut dire c'est collé. Collé à l'utérus. À placenta. Oh, voilà. Alors, donc prévia, ça veut dire que c'est placé toujours devant le col de l'utérus, en obstruant la sortie, quoi. Exactement. Voilà. Donc, je disais donc que ça veut dire que dans la médecine, malgré leur pronostic, ils parviennent toujours à se tromper. Et là, maintenant, voilà le bistouri qui charcute maintenant le ventre d'une femme et ils étaient charcutés en enlevant le foie et ainsi de suite dans son corps. Qu'est-ce que la médecine, qu'est-ce que les médecins qui ont eu recours à cela avec leurs fausses pronostics en cours à la justice au cas où la patiente porterait plainte? Y a-t-il des moyens de recours pour ces médecins, pour cette femme qui a subi ces choses-là à tort, ces mauvaises interprétations-là, de porter plainte contre les médecins? Non, mon frère, dans ce cas, oui. Oui. Qui a la parole? C'est la sœur qui a la parole. La sœur est un peu mais... proche de ton micro, s'il te plaît. C'est intéressant ce soir, ancien sage-femme. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Non, j'ai dit, on leur explique, hein. Il faut dire la vérité. Parfois, nous, les médecins, on joue beaucoup avec les termes. Ça, il faut le dire. On joue beaucoup avec les termes. Et en général, on a les patients qui ne comprennent pas vraiment grand-chose. Mmh. Et parfois, on ne leur donne pas vraiment la possibilité de poser toutes les questions. Mmh. Et même, quand ils se mettent à poser beaucoup de questions, ben, moi, j'ai eu à le dire. Hein. Enfin, il faut entrer dans cet état d'état. Je leur ai dit, je ne vais pas vous expliquer la médecine. Ouais. Donc, il faut dire la vérité que les médecins, aussi, ils jouent beaucoup sur les termes. Donc, certainement, on l'a expliqué, c'était comme ça. Et parfois, ils se trouvent dans la situation dans une situation où ils ne peuvent en fait rien faire. Mmh. Mais, oui, elle peut porter plainte si elle veut. Mmh. Mais, ce sera difficile vraiment qu'elle gagne son procès. Hein. Mmh. Merci beaucoup, ma soeur, pour tous ces éclaircissements. Le frère Cyril. Rebonsoir et bienvenue. Bonjour, hein. Oui, rebonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère, ça va bien. Oui, la médecine moderne, déjà signalons à tous ceux qui nous écoutent que la césarienne n'a pas été pratiquée seulement maintenant. En 1500 déjà, on a eu les traces de la césarienne. Et déjà, longtemps avant, nous voyons dans les traces de l'histoire que la césarienne était pratiquée post-mortem, c'est-à-dire que à la mort de la maman. Et puis les enfants qui étaient jadis, qui sortaient de cette césarienne, étaient consacrés à Apollon sous la Rome antique. Et nous voyons effectivement que cette césarienne-là a eu quoi, une histoire au point où nous nous trouvons maintenant à la césarienne moderne qui sauve des vies certainement. Nous pouvons voir effectivement que beaucoup de vies ont été sauvées par la césarienne moderne. Et beaucoup également ont été perdues, à contrario, par cette même césarienne. Beaucoup de personnes ont perdu la vie lors de l'opération. Alors, notre frère bien-aimé, frère Cyril, médecin de ton état, conseillerais-tu à quelqu'un qui vient te rendre visite, la césarienne, avec le diagnostic de l'hôpital, que le cordon est tout autour en train d'étouffer le nouveau dans le placenta, ou mieux que la quantité de liquide dans où baigne l'enfant, le liquide amniotique n'est pas suffisant. Conseillerais-tu, en tant que médecin chrétien, en tant que médecin apôtre, ayant le don de guérison, une femme d'aller pour faire la césarienne? Mais c'est un peu plus. Enfin, du moins, ce n'est pas quelque chose qu'on va arriver à répondre par vous, non. Il faut se dire que derrière la césarienne, il y a quand même le désir d'aider. Il y a le désir de résoudre un problème. Donc, la césarienne, ce n'est pas forcément une pratique, j'allais dire, déviante. Ou bien qui recèle quelque chose de Les mystique diaboliques. ou bien d'occulte. C'est au préalable pour aider. Maintenant, il faudra que celui qui vient te voir, tu connais les antécédents, tu connais son appréhension ou bien son approche par rapport à la foi chrétienne, s'il est chrétien ou bien pas. C'est par rapport à ce qu'il est ou bien ce à quoi il croit que tu pourras commencer à le conseiller. Si tu dis à un païen que non, Jésus-Christ est monté, Jésus-Christ est descendu, bon, tu peux chanter aussi longtemps que tu voudras, il ne comprendra pas. Donc c'est selon l'approche. Et puis, pour mon cas, en fait, à mon avis, moi j'ai expérimenté il y a les cas où tu es malade, tu dis à une fois de prier, par exemple, en fait, il fait une excursion. Tu me dis une fois de prier, et puis tu ne guéris pas. Cette fois-ci, le Seigneur veut que tu vas à l'hôpital. Alors que le Seigneur peut te guérir, il veut que tu ailles à l'hôpital. Tu peux demander à 15 frères, comme tu disais tantôt, à pour que tout cela, tu ne guéris pas. Tu vas à l'hôpital, tu guéris. Parce que Dieu a décidé que tu vas guérir cette fois-ci à l'hôpital. Non pas pour bluffer l'hôpital, mais c'est pour bluffer lui-même encore. donc. Mais maintenant, si la personne est chrétienne, là encore, avant de me prononcer, il faudrait que j'aie le discernement de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation-là. Et justement, le frère Cyril, médecin de ton état, je prends ton point de chute pour te relancer. Tu fais parmi les membres d'équipe qui vont épurer la camarade intime de la sœur Loris par césarienne. Vous stérilisez la main avec votre bistouri, vous entrez en portant vos blouses bleues, en attachant vos gants. Le chef d'équipe, le chef de l'opération est là, entrant. C'est un homme farouche, un athée. Et vous faites partie des membres de l'équipe. Le Saint-Esprit te dit de façon audible, demande-lui d'arrêter, tu imposes les mains, tu pries, l'enfant va sortir normalement. Vous êtes en salle d'opération. Frère Cyril, médecin, qu'est-ce que tu fais? Je suis même désolé, je n'ai pas bien suivi. Il y a des interruptions là, je ne sais Oui, c'est pas. vrai, moi aussi. Je n'ai Alors, pas bien suivi, il y a des interruptions là qui ont fait, je n'ai pas bien compris. oui, le frère Yassin, si tu as suivi, pardon, est-ce que tu peux lui réitérer ce qu'il a dit? Bon, dans l'expérience que j'ai bien suivie, il dit, tu es dans l'équipe dans laquelle qui va opérer, je crois, une amie de la sœur Louise, et vous entrez en salle d'opération après vous être désinfecté les mains, tu reçois du Seigneur de prier d'imposer les mains afin que l'enfant sorte, quoi. Le chef d'équipe Et de l'opération, c'est un athée farouche, un des opposants le plus précieux du christianisme. Et tu reçois cet ordre dans le Saint-Esprit dans la salle d'opération, qui t'intime l'ordre de lui demander d'arrêter. Tu vas prier et que la personne va accoucher normalement. Que fais-tu? bon, je vais un peu point diplomatiquement, parce que ce serait pas la première fois que je demande de faire quelque chose dans ce sens-là que je ne fais pas. ce n'est pas la première fois. Donc tu as été toujours, tu étais toujours têtu alors à Dieu. Hein? Tu as été toujours têtu aux ordres de Dieu alors. Bon, tu fais comme ça là. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai considéré le contexte, j'ai dit que non. On peut croire que c'est un sorcier. Ce n'est pas vraiment la première fois que j'ai réfuté le nom du Seigneur. Mm. Mais bon, dans ce cas-là, bon, ça dépend. Hein, je ne peux pas dire de façon, j'allais dire, notoire que je veux dire que je veux pas le faire. Mm. Je ne veux pas avoir le zèle de le faire, selon la grâce du Seigneur. Ou bien, pour quelque raison que ce soit, avoir retenir à le faire. Mm. Alors, mais ce n'est pas évident, hein. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. De toute façon, c'était pas une question call. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je peux juste rajouter quelque chose si je peux. Hein. Oui, la sœur Loris. Par rapport à la question du frère Junior, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il dispose des circonstances. Oui. Ça vient spontanément, tu ne réfléchis pas. Oui. Sincèrement, tu ne réfléchis pas. Au risque même de perdre ton boulot. Oui, c'est quand il dispose, je veux dire, il fait de telle sorte que toi, tu es même choqué, tu es surprise. Mm. Donc, quand c'est lui qui décide, qui te conduit dans ce genre de décision, franchement, il dispose. Oui. Il dispose de... Je sais pas. Il dispose. Oui. C'est impressionnant, il dispose. Mm. Quand tu sens que ça vient du Seigneur... Oui. Il dispose des circonstances, de tout. Ça se passe comme si c'était normal. Toi, tu dis, hey, c'est comment? Mmh. Ben, voilà. Moi, c'est mon expérience. Concernant la fête de l'accouchement, je me vais poser la question, comment la médecine voit, par exemple, le cas de notre soeur ivoirienne, Madame Ouattara, qui n'avait pas d'utérus, mais a pu accoucher plusieurs enfants. Comment la médecine peut-elle expliquer cela, ce cas-là? Ou bien, ils pensent que c'est du folklore? Je crois que vous pouvez voir sur la chaîne, vous pouvez regarder sur YouTube en tapant sur témoignage Madame Ouattara, notre soeur, le Dieu Tout-Puissant qui avait donné une forme de placenta ou bien une forme de main qui recueille chaque fois de l'enfant. Comment peut-on expliquer cela, que l'enfant qui est censé baigner dans le liquide amniotique pour son environnement protégé n'habite pas là-bas, mais l'enfant naît et sort quand il le faut sans douleur et ainsi de suite? Comment peut-on expliquer? La médecine a-t-elle d'explication? Est-ce qu'ils ont essayé de pencher là-dessus? Avez-vous essayé de discuter avec les médecins, les scientifiques, les athées qui ne croient pas au Seigneur? Il faut dire, hein? il faut dire que, si vous permettez, certains médecins n'ont pas le courage. Oui. De dire clairement que la médecine est limitée. Bien limitée. Oui. Beaucoup de médecins sont là, ils sont un peu emportés par leur ego, portent leur blouse blanche mal repassée. Et puis bon, ils ont un peu les épaules. Tu traites gonflent un peu là. Tu traites durement tes collègues médecins païens. Bac plus 15. Mais j'en fais partie, tout ça là, bac plus 7, bac plus 10, bac plus 15. La vérité, c'est qu'il y a plein de tâtonnements. On navigue dans. À vue. Oui. En fait, comment dire, je ne sais pas comment. On ne sait même pas où on part. Mm. Sur plusieurs domaines. Je pense même cas, le cas des maladies rhumatiques. Oui. Le cas des maladies auto-immunes. Oui. On ne comprend à rien. Mm. Mais peut-être se disent-ils qu'avec l'évolution de la science, puis la science se perfectionne aussi à mesure, ils vont parvenir à découvrir les remèdes. Qui continue à évoluer? J'ai pour le cas, ma belle-sœur qui est au Canada. Oui. Au troisième mois, on demande à voter. Oui. On dit que l'enfant présente des différences morphologiques. Oui. qui sont automatiquement qui vont aller automatiquement avec un retard mental. Oui. Et même physique. Elle allait vous consulter au moins tout un panel d'experts. Oui. Tout c'était formel qu'il fallait qu'elle vote. Oui. Tout c'était formel qu'il fallait qu'elle vote. Mmh. Cet enfant-là, il n'a aucune chance d'être dans le monde normal. Jacques, il risque même de mourir à la naissance. Ils étaient tous formels. Ils ont fait les résonances magnétiques. Ils ont tout fait. C'était clair. Mm. Elle est venue nous voir, enfin, du moins, on causait avec elle. Et elle voulait ça. Elle nous demandait aussi qu'est-ce qu'on a pensé. Elle dit que tout ça, c'est des plaisantins. Ils n'ont rien à décider de quoi que ce soit. Donc, tu as dit que les experts en cette matière-là étaient des plaisantins. Bon, c'est une façon de parler. Bon, moi, j'ai un peu une grosse gueule. Oui. J'ai dû laisser tomber, dire que c'est Dieu qui décide de quoi que ce soit. Ils n'ont rien à décider dessus. Et de toute façon, cet enfant va sortir en bonne santé. Oui. Mais cet enfant n'a aucun problème. À la sortie. Et oui, les médecins n'arrivent pas à quoi. Oui. Ils n'arrivent pas à comprendre. Comment ils expliquent donc cela, les médecins? On leur dit que. Oh, ils m'ont raconté que non, peut-être on a fait l'erreur. Bon, en fait, c'est ce qu'ils se disent. Bah ouais. Donc, je crois que ce cas d'espèce sera vu lorsque nous allons voir le cas de l'euthanasie, parce que c'est cette histoire des morts assistés. Donc, si ta soeur avait écouté la voix de ces médecins, de ces experts, soi-disant-ils, on aurait tué un individu comme ça que Dieu a programmé autrement. Donc, nous allons voir cela dans de prochaines émissions, lorsque nous allons toucher le cas de l'euthanasie et voir à la lumière de la parole de Dieu ce que Dieu en pense. Donc, évoluons donc maintenant dans le deuxième aspect, sans toutefois toucher l'opération par rapport au kyste ovarien et ainsi de suite. Nous allons nous atteler maintenant avec la peur de la douleur de l'enfantement. La solution moderne à la peur de la douleur d'enfantement est donnée par la médecine, appelée quoi, mon frère? Non, la peur du gars, c'est la sorcellerie. C'est terrible, entendre cela de la bouche d'un médecin, d'un expression. La seule Loris, qu'est-ce que tu en dis? Nous parlons dans de la période du réalisme. Franchement, moi, il y a 17 ans en arrière, je ne connaissais pas le Christ comme aujourd'hui. Oui. Donc, au départ, mon premier accouchement, je voulais accoucher sans péridurale. Oui. Mais par précaution, on m'a conseillé de faire quand même des examens anesthésistes. Oui. Heureusement, ce jour-là, je l'ai quand même fait. Parce que quand les douleurs ont commencé, j'ai commencé à crier, on m'a dit... C'est rien, ça va être plus que ça. Il dit non, pardon. Oui. Mettez vite la péridurale. Oui. Franchement, j'ai pas eu de problème, j'ai rien senti. Deuxième accouchement pareil, troisième accouchement pareil. Donc franchement, ce jour-là, j'ai bénéficié de ce mode d'accouchement sans douleur, en gros. Sans douleur. Donc moi, j'ai pas eu mal. Ça t'a soulagé quoi? Ça m'a soulagé, franchement. Oui. Soulagé. Donc je ne vais pas dire le contraire, ça m'a donc soulagé. Tu as profité de la médecine moderne. Il y en a pour qui ça se passe très mal, hein. Il y en a qui sont paralysés, il y en a oui. Mais vraiment, justement, nous allons voir dans la deuxième partie, lorsque nous allons parler de la conséquence de l'exercice des péridurales sur les hommes. Alors le cas de notre soeur Loris, puisque c'est un cas d'exemple, elle est parmi le groupe et elle a également eu à pratiquer cela pour accoucher. La soeur, restons sur toi, pourquoi as-tu pratiqué la péridurale pour l'accouchement? Je ne voulais pas avoir mal. Ben, c'est bon, nous retenons cela. Je ne voudrais pas avoir mal. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que quelqu'un, l'un des experts, définisse pour ceux qui nous écoutent, qui sont profanes dans ce domaine, qui n'ont pas encore écouté ce que c'est la péridurale. Qu'est-ce qu'on appelle la péridurale concrètement? Qui peut prendre la parole? Prenez la parole à votre guise. Du côté du Canada, du côté des États-Unis, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse dans l'exercice de votre métier et vous soutienne dans votre métier difficile, discret et souvent satanique. Alors, qui prend la parole? Satanique. Bon, la péridurale, en fait, c'est une technique d'anesthésie oui. loco-régionale utilisée lors de l'accouchement, en fait, oui. Pour atténuer la douleur, parce que ou la supprimer, mais en général elle ne supprime pas totalement la douleur parce que de toute façon on ressent toujours quelque chose. Elle est aussi utilisée en général dans la césarienne, parce que quand on fait la césarienne on ne fait pas une anesthésie générale. Oui. En général c'est un péridural qu'on fait. Et la péridurale n'est pas utilisée que dans l'accouchement. Elle est aussi utilisée dans les chirurgies abdominales, hein, donc les chirurgies abdominales aussi au niveau des pieds. Et aussi au niveau cervical, en utilisant, elle n'est pas vraiment utilisée que pour l'accouchement. Oui. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on la pratique? En général, je ne vais pas utiliser le terme médical hein, parce que c'est un peu difficile. Oui. En général, on va dire qu'on pique dans le bas du dos. Oui. La troisième et la quatrième vertèbre lombaire. Donc, on prend une aiguille qu'on pique dedans et c'est là qu'on va placer un petit tuyau fin. Et c'est par ce petit tuyau-là. On va mettre des anesthésiens, donc des médicaments pour enlever la douleur. Oui. Donc ce cathéter, ce petit tube appelé cathéter dans votre langage, est planté dans l'espace, appelé l'espace péridural. Et on injecte donc cette substance-là qui va, pour dire dans le langage clair, tuer le nerf de la douleur, le nerf qui cause la douleur dans le corps humain, afin que lorsque les pressions sont faites pour l'accouchement, que vous ne sentez pas la douleur. Mais quelle est la conséquence à l'issue de l'effet de la disparition de la substance qui a été injectée dans l'espace péridural sur l'organisme? Est-ce que les muscles contractés, les déchirures, la douleur ne fait plus surface? Bien sûr, je veux dire, l'acte qu'on va faire, donc après l'accouchement ou après, selon l'acte qu'on va faire, oui. La douleur disparaît. Mm. Mais la conséquence, c'est vrai, ça agit sur le nerf sensitif, donc le nerf sensitif, c'est pour enlever la douleur, mm. et sur le nerf moteur. Mm. Donc, des grosses conséquences, c'est vraiment bien des paralysies, en fait, oui. au niveau des jambes. Oui. En général, c'est ça vraiment la grosse conséquence. Et aussi, une des causes, c'est que comme ça agit aussi au niveau des muscles pelviens, donc qui nous permet de tourner et tout. Non, là, allons-y vraiment doucement. Vous venez de dire quelque chose qu'il va falloir que les gens nous entendent. Ça suppose, puisqu'on injecte entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire, ça suppose que les conséquences, l'une des conséquences parmi cela, ça risque d'avoir être la paralysie. Donc, il faut que les gens qui nous écoutent et qui vont pour la péridurale comprennent que si ça échoue chez eux, ils peuvent être paralysés. C'est ça? Oui. C'est vrai qu'une femme peut vouloir fuir la douleur de l'enfantement, elle est finalement paralysée. Exactement. C'est vrai qu'il faut que la femme mesure les prix à payer pour fuir la douleur de l'enfantement. Oui. Surtout que c'est pas vraiment parce que le fait aussi d'un. On va dire oui. Il y a des experts qui le font notamment. Oui. En général, ça marche. Oui. Donc, on dramatise, faut pas directement dramatiser. Moi, je me place du côté médical. Oui. C'est vraiment minime le risque, oui. mais ça peut arriver. Oui. C'est minime le risque. Et aussi en fonction de qui fait l'acte. Oui. Si on fait mal l'acte, oui, bien sûr qu'on aura de grosses conséquences. Comment vous allez aller à la péridurale en sachant que celui-ci est expert en faisant l'acte? Comment vous allez faire? Puisque vous lui faites confiance tout simplement parce qu'il porte la blouse blanche marquée Docteur Intel. Et vous n'êtes pas une cobaye, vous êtes un être humain sur lequel on va vous injecter quelque chose, un produit. Comme quelqu'un, le frère Cyril a dit tout à l'heure, la médecine repose sur les statistiques. Oui. Donc, celui qui a déjà fait 100, qui est parmi les 100, n'a eu peut-être qu'une seule faute, oui. sera considéré naturellement par rapport à celui qui, sur 100, a eu 5 fautes comme le meilleur. Oui. Donc, on va te dire que sur 100%, il y a peut-être 0,2% oui. de risque d'avoir une paralyse ou bien d'avoir des troubles de la vessie ou bien quoi que ce soit, quoi. Oui. Donc, voilà comment on va te vendre cela. Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Avant de continuer sur cette lancée-là, nous avons vu initialement en France et en Europe particulièrement, les femmes qui, jadis, venaient gonfler les poitrines, ils implantaient je ne sais pas comment vous appelez cela, dans les mammaires, et c'était devenu la mode à une époque donnée en Europe. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Ils faisaient l'opération de leur sein pour permettre que le sein soit toujours debout. Et ils y mettaient dans les... Comment mon frère? C'est des implants, ma mère, c'est le vaudou. Les implants, ma mère. Alors, je vais transporter l'exemple de ces implants, ma mère, dans ce cas que nous sommes en train d'examiner maintenant ce soir. Lorsque la technologie de l'implant, ma mère, avait été sortie par la science, ils ont profité en présentant les aspects bénissimes de ces choses-là. Mais plus tard, on a compris que les gens qui avaient mis ces implants de ma mère, il y avait des substances dans ces produits qui étaient cancérigènes. Et plus tard, les gens en avaient été infectés au point où il y a des associations qui se sont mobilisées pour se les faire arracher au point où des médecins ont été démis de l'ordre des médecins en France et partout en Europe. Qu'est-ce qui dit donc maintenant que pour le cas de la découverte de ces produits péridurales ne causeront pas plus tard des cancers dans le corps des êtres humains dans lesquels c'est injecté à long terme? Bon, oui, bonne question, comme l'a dit. comme le frère dit, il faut bien se dire que quand on vit déjà en Europe, oui. la majorité des produits qu'on oui. mange, n'est-ce pas, ont un certain nombre de, comment on appelle ça, de chitrales, les rayons oui. auxquels ils sont exposés et qui sont automatiquement nocifs pour le corps. Oui. Et maintenant, on fait des études, on se dit que si telle radiation, si la radiation est à tel niveau, c'est moins endommageant pour le corps humain. Oui. Parce que je dois bien te dire, même pour traiter les cancers, les oui. produits radioactifs qu'on remet dans l'atmosphère sont cancérogènes. Oui. Donc, on va donc te poser la question, est-ce qu'il n'est plus, quel est le risque que, bon, je prends un autre exemple, l'avion. Quand tu prends l'avion, tu es exposé automatiquement à des rayons là-bas, selon le nombre de heures que tu fais. Oui. On va se rendre chez ma soeur au Canada et c'est plus qu'une entre les. Donc, c'est pour cela qu'elle dit, mais cette médecine-là repose des statistiques et des chiffres vraiment convaincants et qui laissent ça attractif au fait. Oui. Parce que tu vas dire un cancer, c'est vrai, il y a des cancers. Même quand on va reprendre les causes des enfants qui sont nés par voie césarienne, oui. il y a une étude qui est faite que ce sont des enfants généralement qui ont des troubles mentaux, qui souffrent de dépression, qui ont des diabètes, oui. qui ont plein d'autres maladies dues à cela. Sans compter les modifications génétiques à long terme. À long terme, exactement. Par exemple, parce que la femme, tu vois, généralement, quand l'enfant sort par le vagin, par la voix basse, disons comme ça, il a besoin des, je crois, sont les selles de sa mère, ce qu'on appelle le méconium, dans son estomac pour activer son appareil immunitaire et oui. plein d'autres choses. Oui. Et un enfant qui sort par césarienne n'a pas droit à ces selles-là, n'est-ce pas? Donc, il y a des risques à chaque chose. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on va vendre ça, mais on doit vendre en comparaison avec autre chose. N'est-il pas possible de penser que malgré l'aspect de l'aide qui est prônée, ce n'est que un lobbying des industries pharmaceutiques qui veulent prôner leurs recherches et vendre leurs médicaments, tout simplement? C'est un business. Justement, parce que lors de l'accouchement de mon épouse ici, ils sont allés dans l'hôpital gynéco-obstétrique ici. À tout bout de champ, les médecins venaient lui proposer la péridurale. Tout bout de champ. Elle a refusé jusqu'à la fin. Là, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois, que l'histoire du CERET retiendra que toutes les femmes qui ont accouché là-bas se sont soumises à la péridurale. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu as été brave. Tu es passé par la douleur pour enfanter ta fille et tu as bravé en tenant bon devant le Seigneur, comme nous allons examiner la parole aujourd'hui. Donc, toutes les femmes venaient en disant, « Ah, madame, c'est très bien la péridurale. Si vous avez déjà pris la péridurale, vous ne serez pas en train de souffrir comme ça. Vous n'avez pas besoin de souffrir comme ça. Regardez comment vous criez. » Elle a tenu ferme jusqu'à l'accoucher. J'ai dit, « Chérie, tiens ferme, tu vas accoucher. D'ici le soir, tu vas accoucher. » Et le soir 21, elle a accouché dans les douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas la sœur Loris? Mon frère, tu veux que je me culpabilise? Je ne sais pas. Non, nous commentons seulement. Alors, permettez-moi de vous citer ces propos d'un docteur que vous devez connaître, Alan Greenberg. Et puis, vous allez commenter ces propos au vu de ce que nous sommes en train de lire maintenant. Alan Greenberg dit dans une citation qu'en tant que médecin à la retraite, je peux honnêtement affirmer qu'à moins que vous ne soyez impliqué dans un accident sérieux, votre meilleure chance d'atteindre la vieillesse avancée, c'est d'éviter les médecins et les hôpitaux et d'apprendre la nutrition, la médecine des plantes et les autres formes de médecine naturelle, à moins que vous ne soyez assez riche pour avoir un naturopathe à votre disposition. Puis il conclut, presque tous les médicaments sont toxiques et sont conçus pour traiter seulement les symptômes et jamais pour vous soigner. Fin de citation, Dr. Alan Greenberg. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un génie. Oui. Amen, mon frère. Un génie, mon frère. Il a tout compris. Oui, il a résumé ça très, très brièvement, mais correctement. Oui. Alors, je vous fais suivre donc sur le forum cet extrait pour que vous voyez. Vous pouvez voir cela devant vous sur l'écran. Comme ça, vous pouvez vous-même apprécier. Vous aurez ça dans quelques secondes. Cette citation d'Alain Greenberg, en tant que médecin moderne qui conseille aux gens d'avoir plutôt la condescendance vers les choses naturelles et fuir au maximum le médecin pour pouvoir vivre longtemps. En clair, il dit de façon inavouée, enfin de façon cachée, que tous les produits qu'on met dans notre corps sont des poisons dans l'état latent qui plus tard pourront se réveiller comme un volcan endormi qui plus tard vont vomir leur lave et de leur magma en profondeur pour nous détruire plus tard. Commentaire des spécialistes. Oui, tu as fait raison. Je crois que vous avez cette image devant vous maintenant. Vous pouvez lire et apprécier. Vous pouvez le relire aussi à votre guise, oui. Où l'image là? Vous avez ça sur le forum. Je dois l'avoir reçu, oui, je l'ai reçu déjà. Ok. Ça, c'est un génie, ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à sa citation? Quel commentaire faites-vous? Un médecin à la retraite qui conseille, après avoir détruit peut-être la vie des gens en prescrivant le médicament, il dit maintenant que j'avais fait l'erreur, évitez le médecin. Qu'est-ce que vous en dites? N'est-ce pas un mea culpa de la part d'un médecin qui est en rupture des remords et qui a certainement fait des choses en détruisant le corps et qui l'a vu certainement que les tissus nerveux ont été détruits par suite des prescriptions médicamenteuses? Il a bien parlé. Et je crois que de nous, je crois que de nous, j'ose croire, ou du moins moi, à un monsieur comme ça, je dois lui serrer la main. Oui. Mais d'un autre côté, ou bien la réalité fait aujourd'hui que même la tomate que tu manges, oui, on a pulvérisé les objets chimiques dessus. Donc déjà, ça te tue. Oui. Donc, je prends dans notre pays, par exemple. Moi, j'ai grandi dans les endroits des agriculteurs. Oui. On prenait, par exemple, du cannabis que j'ai vu que c'était interdit pour pulvériser, pour tuer les insectes sur les plantes. Sur les tomates, oui. Sur les plantes. Oui. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que déjà, même si ce n'est pas notre changement de vie, oui, qui nous nuit? Oui. Donc en clair, l'évolution scientifique de l'homme, les prouesses de l'homme, l'invention de l'homme sont faites dans un manche pour aider l'homme, mais plus il y a des revers destructifs de cette même invention. Exactement. Si on peut résumer ça comme ça. Parce qu'il a parfaitement raison. Par exemple, aucun médicament, par exemple, quand tu prends même l'aspirine que nous tous on prend, oui, l'aspirine bloque simplement un produit que le corps produit ou fait quelque chose de normal, oui, de naturel. Oui. Il bloque simplement. À part s'il ne fait rien. Oui. Quand tu prends tous les médicaments qu'on prend contre l'asthme, ça bloque simplement les choses, la nature du corps, parce que soit ils sont produits en excès, oui, soit ils sont produits soit ils sont en excès, oui, soit il y a un manque, oui, et on excite seulement le corps à produire plutôt. Il a raison, mais même la nutrition à laquelle il nous amène, tu vas voir que cette nutrition n'est que pour une classe sociale. Voilà. Donc, par exemple, pour manger bio, oui, pour manger bio comme chez nous, le bon de lait avec des bonnes bananes, c'est pas évident. C'est pas évident. Une pomme, si tu prends une pomme que l'on mange, une pomme, ce qu'on appelle à la coutume là, les pommes de France, n'est-ce oui, pas? Oui. Une pomme de France, si tu veux prendre une pomme qui a été faite de manière naturelle, tu l'achètes une à 2 euros. Oui. Alors que, bon, manger le vrac, c'est 10 à 2 euros. Et ces vrac-là pour contiennent des pesticides et les choses les produits qu'on a utilisés pour laver afin que ça soit bien produit et bien brillant. Voilà, ça c'est ta manière d'interpréter. Les scientifiques ont dit que on a étudié et on a vu que le taux de dommages pour l'homme est réduit. Oui, je crois que pour ceux qui nous écoutent, pour plus de profondeur dans ce domaine, particulièrement la nutrition et l'utilisation des pesticides des grandes multinationales, je les invite à aller sur le site YouTube des Cash Investigations, de suivre Elisabeth de la télévision française qui a fait une investigation profonde dans ce domaine-là de l'agriculture et la pollution faite par les grandes industries et le mensonge fait. Et en deuxième lieu, d'écouter sur Bamba Iba le grand mensonge des gouvernements et qu'on va y revenir encore par la suite. Parce que c'est à l'issue du fait que les gens parlent de le boom démographique et du manque criant des repas qu'on commence à parler de la production industrielle des repas pour pouvoir se nourrir tout le monde. Donc, en réalité, l'homme est devenu Dieu sur la terre pour pouvoir contrôler non seulement la démographie, mais le style de nutrition. Alors que Dieu a dit, allez multiplier, remplissez, assujettissez. Et Dieu a dit que la verdure va toujours être produite là-bas, il y aura la nourriture. Donc, nous allons voir tout, chaque fois, nous allons voir que la science sera toujours confrontée à la foi et par conséquent challenger le Seigneur. Continuons dans cette lancée. Donc, nous avons vu jusqu'ici, et comme le docteur Dan Greenbeck le souligne, pour ceux qui sont de l'expression anglaise, on comprend maintenant mieux avec son expression, avec tout ce que nous sommes en train d'observer, le pourquoi ce que nous appelons médicament en français est appelé en anglais poison en réalité. Pourquoi appelle-t-on en anglais les médicaments poison? En réalité, le vrai nom en anglais c'est poison. Donc, en clair, si on retraduit dans la langue de Molière, on comprend que ce que nous allons appeler médicament, c'est le poison. N'est-ce pas terrible, mes frères, les médecins, les hommes en blanc, pour tuer les gens dans le noir? Si tu regardes, franchement. Comment les gens peuvent porter l'habit blanc pour rassurer les gens qui sont des anges sur le plan physique et prescrire du poison aux gens de prendre pour les guérir alors qu'ils sont des lieux tués à petit feu? Ouais, ils vont manger tout. Ils vont manger. La problématique que tu poses me rappelle une parole. Et je crois que c'est Pierre qui a dit à qui irons-nous? Oui. Ils n'ont pas le choix. Oui. Donc, ils se livrent dans les mains oui. de ceux qui pensent les aider. Oui. C'est comme on dit, alors, ils se livrent dans les mains de ton bourreau. Le mot, c'est quoi? De ton bourreau. De ton bourreau. Donc, en réalité, les êtres humains sont en train d'être trompés à petit feu. Et pendant que nous sommes en train d'aborder tous ces cas-ci, sur Internet et sur les réseaux sociaux sont faits généralement les communiqués des différents groupes, soit de l'Amérique, soit des différents groupes des membres de l'OMS qui ont eu vent des secrets qui se préparent dans l'organisation dite mondiale de la santé, des différentes choses et programmations qu'ils font. Ils appellent cela la théorie du complot, de la destruction des masses par les vaccinations qu'on dit contrôler et quoi, conseiller aux gens pour pouvoir le faire. Et en toile de fond se trouve la destruction des masses à long terme, à longue échelle. D'où vient-il que les nouvelles maladies, au fur et à mesure plus l'homme se développe, les nouvelles maladies sont en train d'être révélées? D'où vient-il que plus le progrès est là, ne sont-ils pas produits dans les laboratoires, la solution des guerres et l'anti-guerre produites par la même source, c'est-à-dire que la maladie et l'antidote sont produits par le même laboratoire en lançant dans la nature pour pouvoir reproduire et ressortir les autres médicaments, l'antidote, pour pouvoir avoir de l'argent. Et la maladie et les médicaments, c'est-à-dire l'exclusivité des produits, tel ou tel médicament, n'est-ce pas la guerre interstellaire entre le bien ou le mal qui prône comme ça sur la terre et dont les gens qui ne veulent pas comprendre la vie de la foi sont devenus le cobaye, les essais des laboratoires? Qu'allons-nous faire avec ces siècles de manque de sagesse, de manque de foi, de manque de persistance et d'efficacité, et de patience devant le Seigneur pour pouvoir avoir la solution? D'où vient-il donc maintenant que l'homme est devenu maître de lui-même et prend sa destinée en main pour faire ce que Socrate avait écrit dans le temple des devs, que connais-toi toi-même, au point où l'homme a voulu sonder son anatomie, créer ses propres solutions et trouver sa propre divinité? Nous nous trouvons donc à une ère où l'homme se confronte à Dieu. La Bible déclare dans le livre des Romains chapitre 1 verset 18 et suivant que puisque Dieu leur a révélé sa vérité, ils n'ont pas glorifié ainsi, Dieu les a livrés aux abominations. C'est vantant d'être sages, ils sont devenus vraiment fous. Donc la Bible déclare que les grands docteurs de notre siècle sont devenus fous, croyant avoir aidé les êtres humains. Et le plus grave, c'est que les êtres humains qui se trouvent dans cette ignorance-là croient que le médecin... Vous voyez, quand vous allez vers un médecin, quand quelqu'un entre dans un laboratoire ou bien dans le salon d'un médecin, lorsqu'il s'assoit devant, il voit un docteur, la plaque la plaque matrimoniale là au devant, médecin tel, chirurgien dentiste fréquentant à l'hôpital de Havre. La personne est rassurée parce que sa vie entre les mains d'un spécialiste. Mais Jésus-Christ, qui est le grand médecin, il ne lui ferait pas confiance parce que pour Jésus, il ne le voit pas. Parce que cette génération, c'est une génération sans foi qui veut croire à ce qu'il voit. Et donc, Satan lui présente dans ce qu'il voit l'aspect visible des hommes. Et très souvent, ces hommes-là sont dans des fraternités appelées les ordres ésotériques qui sont là pour tester les anatomies humaines dans la sorcellerie franc-maçonnique et rosicrucien et les autres ordres de Malte. Sans parler des cultes écossais, des troisième rite York et de ceux de New York. Alors, nous allons aborder maintenant l'autre aspect, maintenant l'aspect culturel maintenant de ces choses, de l'accouchement par césarienne et l'accouchement par péridurale. Nous allons nous intéresser sur le cas de la péridurale principalement. Frère, j'ai une question. Oui. Excuse-moi. Oui, au spécialiste, n'est-ce pas? Tu parles des maladies. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'apparition de nouvelles maladies, ce n'est pas aussi souvent une conséquence du péché? Est-ce que c'est forcément... Je suis d'accord avec toi qu'il y a des maladies qui se sont créées. Oui. Pour le lobbyisme, pour après créer des médicaments et tout. Oui. Parce que quand je t'écoute un peu, oui. je suis en train de me poser la question de savoir pourquoi je suis médecin, ça sert à quoi? Je sais à quoi en fait. Et est-ce que on n'est pas utilisé pour activer l'incrédulité des gens finalement parce que très bonne question, ma soeur. les gens viennent à l'hôpital et on les enfonce dans leur incrédulité et tu les proscris ce qu'on appelle en anglais poison. Oui, parce que pour mon cas, moi, tous mes enfants sont nés par césarienne. Oui. Et la première césarienne que j'ai eue, moi, j'allais normalement accoucher à l'hôpital. Oui. Et puis, on m'a dit que mon bébé est trop gros et que je suis obligée de faire la césarienne parce qu'il est en train d'étouffer. Oui. Il va mourir. Moi, je disais non, non, non. Je priais, je disais non, non. Et puis, mon mari, qui est médecin, me dit, l'enfant va mourir, laisse-toi opérer. Et j'ai fait l'opération. Et depuis Et tu lors, as et pris mon goût. médecin, Et tu as pris goût. et j'y ai pris goût parce que mon médecin, quand mon médecin m'a vu, elle m'a dit, si j'étais là, tu n'allais pas accoucher par césarienne. Voilà. Et j'ai pris peur parce que chaque fois que je devais accoucher, elle voyageait. Tu comprends? Et je me suis dit, N'est-ce pas un sort qui s'acharnait contre toi pour cette périodicité des événements? Oui, mon frère. Oui. Parce que finalement, je me suis dit, j'ai pris peur. Et à chaque fois que même quand j'ai voulu accoucher normalement, dès qu'elle m'a dit qu'elle voyageait, j'ai dit non, moi je vais accoucher par césarienne. Et tous mes quatre sont nés par césarienne. Oui. Parce que finalement, on m'a dit, écoute, première, deuxième, troisième, c'est à risque. Tu ne peux plus. Oui. Alors, dans ce cas, en tant que femme médecin, je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un veut accoucher par césarienne? Est-ce la peur de la douleur, des douleurs de l'enfantement, la menace? Quand quelqu'un vient et demande la césarienne ou bien la péridurale, est-ce la peur? Moi, pour ma part, je n'ai jamais connu c'est quoi une douleur. Je veux te dire que même avant, je n'ai jamais connu c'est quoi une contraction. Oui. Mes enfants ne descendent jamais. Donc, je me retrouvais toujours à 41 semaines. On n'allait même provoquer rien. L'enfant ne descendait pas. À chaque fois, ça a été comme ça. Je suis toujours arrivée à 41 semaines. Si on laissait même, je crois que 42 semaines même allait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui. Tu vois? Donc, je n'ai jamais connu c'est quoi les douleurs, la contraction, pour dire même que je fuyais la douleur. À mon dernier accouchement, même, je souhaitais, ma dernière grossesse, je souhaitais vraiment. Mais après un moment, j'ai pris peur. Je me suis dit, oh tiens, je connais, c'est vrai, j'ai pris peur. J'ai dit, je ne connais pas la douleur. Est-ce que je vais la supporter, cette douleur? Et ça m'a poussé à aller. Et d'ailleurs, il n'allait même pas accepter de toutes les façons. Voilà. Il n'allait, je pense qu'on allait me dire non. Tu as fait trois césariennes, tu ne peux pas accoucher par voie normale parce qu'il y a des risques que tu meurs pendant la grossesse. Et Tu là, quand tu as vois? entendu mon, tu as eu peur, tu as pris peur. Voilà. Donc, Alors, et là, maintenant, je prends ton cas d'exemple. Merci pour ton témoignage. Qu'est-ce que tu diras à une femme qui vient aussi pour accoucher, ayant déjà fait l'expérience des césariennes par toi-même? Qu'est-ce que là ton acte favori que tu lui conseillerais en tant que médecin maintenant, avec tout ce que nous sommes de voir aujourd'hui? moi, sincèrement, j'aurais aimé accoucher par voie naturelle parce que j'aurais aimé, connaissant le Seigneur aujourd'hui, hein, Oui. j'aurais aimé, même pas forcément parce que je connais le Seigneur, mais parce que je me dis c'est la voie par laquelle toute femme doit passer. Oui. Je ne sais pas si une femme qui accouche par voie normale et une qui accouche par césarienne, l'amour pour son enfant est différent. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si elle est plus attachée à son enfant, celle qui accouche par voie naturelle, Oui. parce qu'elle a connu des choses que celle qui accouche par voie. Bon, j'aime mes enfants, mais je ne sais pas si je les aime autant que celle qui a connu cette douleur-là, tu Dont la comprends? douleur implique une autre dose d'amour, quoi. J'ai l'impression, je Alors, ne dis pas que je n'aime pas les tout à miens, l'heure dans les mais Saintes je Écritures, n'ai pas. nous, tout à l'heure dans les Saintes Écritures, nous allons voir en quoi consiste, le pourquoi Dieu a ordonné ceci et en quoi consiste cette douleur, pourquoi Dieu, nous allons répondre à la question, pourquoi Dieu veut que la femme accouche ainsi. Et nous allons comprendre l'implication spirituelle. D'accord, ma soeur? Maintenant, revenons à la question que tu as posée dès le départ. Chose, mon frère, quelque part concernant le. Je vais un peu. Par rapport au cas de la sœur. Oui. Déjà, je pense que la première fois, le fait que le bébé soit gros n'est pas forcément une indication pour faire la césarienne. Oui, Bon, mais ça, elle dit que le médecin, et le médecin, les spécialistes ont dit que l'enfant étouffe, l'enfant ne pourra pas sortir parce que l'enfant risque de mourir. c'est déjà un. Quand on fait des échographies, le poids, c'est estimé. C'est pas toujours le même poids. On peut dire l'enfant, il aura 4 kilos, et l'enfant, il sera avec 3 kilos. Et Oui. plusieurs fois, il se trompe sur le poids. Et la macrosomie n'est pas forcément une indication à la césarienne. Ça, c'est une chose. Après, je ne sais pas, peut-être le bébé, ils ont estimé qu'il avait 4 kilos, 5 kilos. Ça, c'est une chose. Oui. Mais l'autre, l'accouchement aussi par la césarienne, on va dire que l'une des conséquences, c'est vraiment l'attachement sentiment entre la mère et l'enfant. Oui. Parce que moi, je le dis parce que quand ma thèse de fin d'études, c'était sur évaluer, bon, surtout sur la prématurité, parce que généralement chez les prématurés, on fait beaucoup de césariennes. Mmh. Donc, c'était évaluer le risque à long terme. Donc, ça veut dire, est-ce que ça a un risque sur l'attachement mère-enfant? Oui. Donc, en termes donc sur la psychologie de l'enfant, de la relation mère-enfant. Voilà pourquoi, après les césariennes, il y a des enfants qui, psychologiquement, sont un peu troublés. Mmh. Les parents aussi. Ils ont des dépressions postpartum. Mmh. Ça augmente aussi les risques de postpartum. Et généralement, il y a des mères qui aimeraient allaiter leurs enfants. Mmh. Mais ce qu'on ne leur dit pas, quand je lisais certaines études, on ne dit pas toujours la vérité, comme je disais tout à l'heure. On ne dit pas souvent aux femmes, quand vous dites péridurale ou épidurale, ça comporte ci, ça comporte ça. Voilà, mmh. On bafoue un peu les risques, en fait. Et c'est important qu'une mère sache qu'après une césarienne ou qu'après avoir fait une épidurale, elle ne pourra pas facilement allaiter son enfant. Parce que ça agit, sur les hormones, ça réduit le... Donc, en clair, on rejoint encore notre célèbre docteur qui a dit effectivement qu'on vous évite le plus grave, le plus tôt possible. Ouais. Et si on vous évite, mes frères, vous n'aurez plus de travail, pas vrai? Donc, si on vous évite, vous déposez les blouses blanches pour prendre la Bible et rentrer dans les champs. Et là, je vous pose une question avant d'entrer dans la Bible pour répondre à la question de notre bien-aimée Sœur Karine du Canada. Je pose cette question. Après combien d'opérations, après combien de césariennes, une femme n'a plus le droit d'accoucher? Par voie basse, en général, au bout de la deuxième césarienne, on ne veut plus. Troisième encore, non seulement. Oui. Mais ça dépend, parce que tu sais, il y a deux manières de faire la césarienne. Mmh. Il y a la césarienne qu'on fait de façon transverse et il y a l'autre qu'on fait de façon, la césarienne classique. Mmh. À l'époque, nos mamans qui accouchaient par césarienne de façon classique, c'est-à-dire qu'on fait la coupure le long de l'utérus comme ça, oui. C'était, on ne leur conseillait pas de faire plus de trois. Mmh. Après trois, c'était arrêté. Mais aujourd'hui, pourquoi? Même, moi, je connais des gens qui ont eu des césariennes, même six enfants, tant qu'on fait la coupure de façon transversale et que l'enfant, justement, n'est pas positionné de la même manière, généralement, il continue, hein, même à 6 césariennes. Bon, moi, j'en ai 4, hein. Oui. J'en ai 4. Moi, c'est vrai qu'à ma troisième césarienne, on m'a dit de faire une hystérectomie, j'ai refusé. Oui. Ils m'ont, même à la deuxième, on me disait, fais une hystérectomie, j'ai dit non. Ils ont des parce que je voulais vraiment pas avoir les problèmes avec le Seigneur. C'est les bons conseillers qui sont au Canada. Mais j'ai d'enlever mon utérus. Oui, ce sont les bons conseillers qui sont au Canada, là, n'est-ce pas? En tout cas, ils sont très forts ici. Hein. Ah ben, en tout cas, il faudrait les informer que même s'ils enlèvent ton utérus, Mme Ouattara a accouché sans utérus. Donc, si l'enfant veut entrer, ça va entrer. Donc, ça dépend. Aujourd'hui, la science a quand même assez évolué et on retrouve des gens à faire 4, 5, 6, dépendamment de la manière avec laquelle on a commencé l'incision. Donc, au moment de la césarienne. En quoi, donc, d'après ce que vous en avez dit là, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'interruption à l'issue des césariennes opérées sur une femme pour qu'elle puisse. Il n'y a pas d'interruption d'accouchement si possible alors. Il conseille de ne pas. Pourquoi? Mais au cas où ça arrive, La question pourquoi? C'est pourquoi? C'est là il veut avoir, parce qu'il y a une autre question qu'il veut poser. Pourquoi quoi? Pourquoi on conseille d'arrêter d'accoucher? Pour chez les césarisés? Oui. C'est parce que ils vont encore selon les statistiques, on va te dire que tu as un risque de rupture utérine parce que à cause de la cicatrice que tu as déjà sur ton utérus, oui. Tu as des risques qu'il y ait rupture, que ça s'ouvre, que ça éclate, surtout si le bébé prend des proportions, si le bébé est trop gros, oui. Tu risques d'avoir une rupture et de faire une hémorragie et la suite c'est la mort pour la mère, la mort pour le bébé. Oui. Donc on conseille généralement de ne pas agresser l'utérus à avoir de multiples opérations quoi. Donc, si je comprends très attentivement, ces mêmes médecins ont tellement pitié des gens qu'ils les préservent afin qu'ils ne meurent pas. Et c'est ces mêmes médecins-là qui souhaiteraient que les gens qui sont en phase normale de la mort les accompagnent dans la mort. Appelez l'euthanasie. Frère, tu sais, frère, au départ, un médecin, chacun de nous, là, quand on a choisi de faire médecine, le but, c'était vraiment d'aider, tu vois. C'était d'aider, c'est d'aider. Et vous trouvez donc, les sauveurs, et donc à l'intérieur, vous trouvez donc les réalités du métier. Et voilà, et puis, bon, et puis on ne savait pas que, en connaissant le Seigneur aujourd'hui, on sait que le médicament, c'est le poison. Mais, mais au départ, c'est vrai, c'était vraiment aider. Tu vois, les gens malades, tu as envie d'aider. Mais aujourd'hui, on sait tous que, en fait, le médecin des médecins, c'est le Seigneur. Mmh. Nous, on est là, on tâtonne. Mmh. C'est une science subjective. On est là, on essaye. Mmh. On dit, bon, ça, ça va marcher. Ça, rien n'est concret, en fait. Voilà. Une question d'ordre subsidiaire, tout simplement. Pourquoi les gens qui prennent beaucoup de produits médicamenteux, c'est-à-dire les produits chimiques, sont astreints, sont les plus exposés aux maladies des reins, particulièrement les maladies de la cirrhose de foie et toutes les maladies de la destruction des reins, et ainsi de suite. Pourquoi? Vous m'avez suivi? Oui. Bon, en fait, pour la simple raison que chaque chose que tu prends dans le corps doit être filtré. C'est comme on mange. Tu qu'on mange, tu dois la rejeter. La rejeter, exactement. Oui. Et la rejeter. Oui. Et donc, ça que, et elle doit être aussi métabolisée. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médicaments qu'on prend sont métabolisés soit dans le foie et sont excrétés par les reins. Oui. Et ces médicaments sont soit des molécules, ce sont des produits chimiques. Qui ne peuvent pas être expulsés. Pardon? Qui ne peuvent pas être expulsés comme le déchet naturel de la nourriture. Qui ne peut pas être. Exactement. Et parfois, ça cale là, les tubes de. Ça bouche les tubes du rein. Parfois, certains produits ont des effets dans le corps. Mmh. Par exemple, il y a des produits qui produisent certains déchets que le corps ne peut pas sécréter. Oui. Tu vois? Il y a d'autres produits. Par exemple, il y a une hormone qu'on appelle l'endothéline, par exemple. Oui. C'est une hormone qui est bonne pour la croissance. Oui. Et certains produits inhibe cette endothéline là, ce qui fait que bon, ça, ce sont des produits. Donc, comme on dit, ça entre, ça doit sortir et ça fait ce que ça fait dans le corps. Oui. Et puis bon, ça endommage le rein, le foie et plein d'autres organes. Dans les organes vitaux, c'est là où ça va toucher. Donc, les produits, donc en clair, pour dire aux gens que tout médicament que nous prenons, comme ce sont des molécules, ça va et ça passe, ça peut encore rencontrer d'autres molécules là-bas pour produire des molécules complexes qui restent dans l'organisme et dégénèrent dans d'autres dynamiques. Donc, en produisant soit des enzymes, soit des alcools, soit toute autre chose pour détruire l'organisme. Toute autre chose, exactement. Donc, en clair, les médicaments qu'on prend, c'est le poison. Comme quelqu'un a dit que ça c'est un métier de tatouneur. Oui. Comme quelqu'un l'a bien dit, on c'est la citation c'est la citation de ton camarade et frère, ton collègue. Voilà. Ouais. Donc, il a dit une molécule, c'est déjà quelque chose de complexe. Alors, quand tu mélanges deux molécules que les hommes de mélange ne connaissent pas, ne maîtrisent pas, le tu conflit. Mélanges quatre molécules que les hommes ne maîtrisent pas, oui. six molécules que les hommes ne maîtrisent pas. Oui. Bon, entre nous, sois sérieux. Voilà. Donc, et pour faire une fuite en avant, toute indication et contre-indication des médicamenteuses vont toujours dire cette citation. Comme tout produit médicamenteuse, ça peut être susceptible d'effets secondaires. Et pour ne pas avoir l'interaction médicamenteuse, consultez votre médecin. Et Dieu sait combien de personnes peuvent consulter un médecin. Et l'automédication que nous faisons en Afrique et dans le Sud-Saharien et dans le tiers-monde, chacun peut se servir selon les différents. Et chaque jour, on voit dans les télévisions comment les trafics de médicaments sont faits et sans contrôle de sanité dans notre pays. Les faux médicaments qui sont rejetés dans d'autres rayons sont pris et absorbés sur notre continent. Que Dieu nous en préserve. Revenons sur la question de notre bien-aimée sœur qui a suivi lorsqu'il parlait dans mon discours de ces dealers-là qui créent des médicaments dans des produits, des maladies dans le laboratoire. Elle a posé la question de savoir si ce n'est pas à cause du péché aussi que ces maladies-là entrent. Nous allons voir ces deux aspects-là justement dans la Bible. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 par exemple, le Seigneur va parler de la destruction de l'église catholique de la grande Babylone en disant par exemple qu'il a mis dans le cœur des rois là le dessein qu'ils font cela et ils vont combattre aussi l'agneau. Donc c'est Dieu qui a mis dans leur cœur le dessein de faire du mal à l'autre. Vous voyez, c'est ce que la Bible, c'est ce qu'il est prophétisé dans ce livre d'Apocalypse chapitre 17 verset 10 et suivant. Alors c'est vrai, on dit quoi? Ça veut dire que même si pour ceux qui sont en Espagne, vous connaissez au Moyen-Âge la peste de l'épidémie qui a frappé l'Espagne tout autour à l'issue des cultes des anges que les Espagnols faisaient à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ils adoraient tellement les anges au point où cette épidémie de peste a ravagé presque le tiers de l'Europe. Et à ce moment-là, on a commencé à fuir le culte des anges, ils ont dit effectivement que les anges qui de qui ils croyaient n'ont pas pu les assister. Ils sont en train maintenant d'aller dans la science. Donc nous voyons comme ça que dans l'histoire de l'humanité, il y a des grandes envergures, des épidémies qui sont entrées pour ravager des gens. D'autres viennent par la suite des corrections de Dieu. D'autres encore viennent par la suite des manipulations des hommes coordonnées par les démons dans l'optique de détruire l'humanité. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Nous voyons effectivement que lors de la descente de Moïse en Égypte, Moïse va frapper par la puissance de Dieu les Égyptiens avec des plaies. Il va proclamer les plaies sur le pays, des pestes, ainsi de suite, au point où les gens auront des contusions et des gales sur la peau. Maintenant, à quel moment ces choses sont produites, nous ne savons pas, c'est Dieu qui le fait. Dans le livre de 1 Samuel maintenant, nous allons voir, lorsque l'arche va être pris à Kijajarim, nous allons voir effectivement que ça va rester chez les Philistins à un moment donné, et Dieu va commencer à frapper ce pays-là des crises hémorroïdaires. Ces crises hémorroïdaires, lorsqu'on voit sur le plan scientifique, on va dire que c'est la malnutrition, c'est par suite de malnutrition ou bien parce que les fibres ne sont pas mangées, il faut qu'on consomme des choses qui concernent les fibres pour pouvoir bien la digestion, ou bien boire beaucoup d'eau pour que la digestion puisse être facilitée. Mais la Bible déclare là que c'est Dieu qui a frappé les crises hémorroïdaires. Toute personne qui touchait l'arche a été atteinte de crises hémorroïdaires. Alors on se pose la question. Toutes les conditions médicales étaient-elles réunies pour tous ceux-là qu'ils avaient les crises hémorroïdaires? Ce sont des gens qui mangeaient naturel à ce moment-là. Donc, subitement, quelqu'un qui mangeait naturel avait des crises hémorroïdaires. Même les crises, l'hémorroïde interne et externe, ils expérimentaient cela. Et là, ils ont compris effectivement que c'est le Dieu d'Israël qui est fâché. Il faut donc renvoyer l'arche chez le territoire israélien. Donc, nous voyons dans la Bible que Dieu a frappé la maladie. Il a même promis, la maladie de Dieu est une promesse même dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Allons-y faire un tour dans le livre de Deutéronome d'abord. Deutéronome. Que Dieu vous bénisse. Médecin pour Jésus, les hommes en blanc dans la sainteté, bonsoir et bienvenue dans la deuxième édition. Nous sommes en train de voir les accouchements par césarienne, la médecine à la lumière de la foi, la péridurale à la lumière de la Bible. Accouchement par césarienne, péridurale à la lumière de la Bible. Alors, Deutéronome le chapitre 28. Deutéronome le chapitre 28. Le livre de Deutéronome, chapitre 28. Et là, nous trouvons que c'est la promesse des malédictions et la promesse des bénédictions. Dans l'aspect des bénédictions, nous voyons que le Seigneur donne l'ordre à Israël d'obéir à la loi et il va les protéger. Regardons l'aspect, puisque nous sommes dans le cadre de la médecine, regardons l'aspect de la médecine qui nous concerne ici dans le chapitre 28. Dans le chapitre 28, vous y êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Lorsque, à partir du verset 1, Dieu dit à Israël que si ça, la première condition, le premier volet, c'est les bénédictions, au cas où Israël était obéissant à sa parole. La Bible déclare, vous pouvez lire à partir du verset 11. Qui peut lire? Personne ne veut lire ici. L'Éternel, Deutéronome chapitre 28, verset 11. Et suivant. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà, ça c'est la condition sine qua non pour les bénédictions et les protections. Au verset 16 maintenant, où il va donner le contre de ces commandements-là, au cas où il désobéirait. On commence à partir du verset 16 maintenant, jusqu'au verset 23. D'abord. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Mmh. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Mmh. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Mmh. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Mmh. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de desséchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Amen. Verset 58. Ne t'inquiète pas, frère. Nous allons en train de répondre à la question de notre soeur. Nous allons voir quelque chose qui va nous établir pour pouvoir progresser ce soir. Dans le même verset. Verset 58 et suivant. Jusqu'au verset 61. Verset 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Oui. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont plus mentionnées dans le livre de cette loi. Voilà. Donc nous voyons effectivement qu'il y a des maladies cachées que les Juifs ne connaissaient même pas et dont Dieu disait qu'il allait le faire venir. D'accord, ma soeur? Non, mais c'est ce qui est écrit. C'est vrai, on dit qu'il y a des maladies que l'homme ne connaît même pas, que Dieu se réserve de frapper les hommes avec. Parce qu'ici, on a entendu de la fièvre, la jaunisse, la contusion, on a vu les crises hémorroïdaires, ainsi de suite. Mais il y a des maladies qu'il n'a pas mentionnées. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26. Donc, Exode chapitre 15, verset 26. Oui. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Oui. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, I am the God that healeth thee. Je suis le Dieu qui te guérit. Donc Dieu se présente ici, et c'est là où nous allons sortir ce soir. Dieu se présente ici comme le Dieu des guérisons. C'est Dieu qui peut donner la maladie aux Égyptiens, dont les Égyptiens, malgré, souvenez-vous, les Égyptiens étaient avancés dans la médecine en ce temps-là. Les Égyptiens étaient avancés dans la médecine, mais ne pouvaient pas résoudre les problèmes de cette maladie. Lorsque la maladie était d'ordre divin, ce n'est que le divin qui se présente ici comme le Dieu qui guérit. Alors ça veut dire qu'au sortir d'ici, nous voyons effectivement que Dieu se présente comme le grand médecin. Le tout-puissant médecin qui peut non seulement donner la maladie comme notre, les hommes en blanc maintenant donnent la maladie, mais il ne peut pas guérir. Mais la seule différence, c'est qu'il ne peut pas guérir, il donne la maladie. Mais Dieu lui peut donner, parce que la Bible déclare qu'il fait mourir et il fait vivre. Donc Dieu se présente ici déjà à Israël comme le grand médecin qui guérit. Continue, mon frère. Au verset combien? Nous avons fini maintenant avec le verset 26 du chapitre 15. Donc il dit, Dieu se présente ici qu'il ne le frapperait pas des maladies qu'on a frappé les Égyptiens parce qu'il est le Dieu qui guérit. Maintenant, lisons le chapitre 22 d'Exode, verset 25. Chapitre 23, verset 25. Qu'est-ce que ça dit? 25 et 26. Donc, Exode 23, verset 25 et 26. Donc, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, mmh. et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Mmh. Vous servirez les ténèbres que Dieu, et il bénira vos copains et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oui. Amen. Donc, Dieu nous présente ici, il dit que c'est lui qui éloigne quoi, frère? Il se présente ici comme celui qui éloigne la maladie du milieu de nous. La oui. maladie. Voilà. Le verset 26, qu'est-ce qu'il conclut? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ce verset, me donne... J'en veux. Ah non, c'est bon. Ce verset nous donne encore de placer un autre sujet, un autre thème d'enseignement sur les avortements assistés, les interruptions volontaires de grossesse et la stérilité masculine et féminine. Nous allons voir ces thèmes-là à l'image des Saintes Écritures, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a parlé de ça ici. Donc, notez ces thèmes-là pour que nous ayons le voir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours les justifications, oui, en cas de viol, en cas du fait qu'on est couché avec quelqu'un qu'on ne voudrait pas, et l'enfant est porte de risque, on peut interrompre l'enfant, la grossesse. Nous allons voir de quoi il est question. Et nous allons parler, alors avant de parler des thèmes sur la stérilité, lisons Deutéronome chapitre 7, le verset 14, et puis on va prendre aussi le sujet là-bas. Que Dieu vous bénisse. La sœur Loris, bonne arrivée encore. J'écoute. Hein. Oui. Merci. Bonsoir à ton époux et aux enfants de ma part. Oui, donc tout le monde rêve déjà, je crois. Parce que moi, je travaille demain matin très tôt. Faut porter le Seigneur, on peut tout faire. Oui. Il va me fortifier. Il faut porter la blouse blanche, d'accord. Il ne veut pas vous retenir pour longtemps. Il va pas falloir que vous coupez la trempe de quelqu'un au lieu de vouloir couper quelque chose d'autre. Alors, Deutéronome chapitre 7, le verset 14. Il dit. Mm-hmm. Tu seras béni plus que tous les peuples. Mmh. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. D'après ce qu'on dit. Oui, fini mon frère, fini. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Mmh. C'est bien de souligner ça, pas vrai? Voici les promesses de Dieu qui doit éloigner du milieu de nous toute maladie. C'est là où nous allons sortir au niveau de la confiance en ce Dieu qui parle. Et sa manifestation physique au milieu de nous maintenant. Oui. Ça continue. Il continue, hein. Oui, le 15 n'est pas encore fini, pas vrai? Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Oui. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Fin de citation. Voilà. C'est terrible, pas vrai? Donc, dans ce passage du chapitre 7, verset 14, il est fait mention ici des bêtes, des hommes stériles, des femmes stériles. Nous allons voir la stérilité masculine et féminine et la solution médicinale et aussi maintenant ce qu'il faut faire avec la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mariages sont gâtés, sont désorganisés et détruits à cause du fait que l'homme et la femme n'ont pas des produits du mariage. Et on s'attend à ce que ça se passe ainsi selon les traditions. Par conséquent, plusieurs familles transportent encore d'autres femmes pour venir créer le trouble dans ce foyer-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui en s'est passé. Nous allons voir donc à la lumière de la parole de Dieu déjà ce que la médecine en pense sur la stérilité. Qu'est-ce qui cause la stérilité et comment faire pour s'en sortir sur le plan médicinal. Quelle est la limite de la science et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tout ceci doit nous pousser justement à tous ceux qui nous écoutent maintenant à plus de prières pour que la guérison divine, les dons du Saint-Esprit soient manifestés au milieu de l'Église, pour que l'Église soit la solution au milieu des gens. Pour que l'Église soit la solution au milieu des gens. C'est là où nous en sortons, justement, pour que le grand médecin soit là, il faut qu'il prouve qu'il est encore vivant, que c'est réel. Parce que s'il est là pour confronter la science, il va toujours confondre la science et son nom sera élevé. Et c'est là, ceci pousse donc les frères et sœurs à travailler dans ce domaine-là, dans la sanctification, pour que le Dieu qui guérit, comme il a dit là-bas, puisse manifester sa gloire au milieu. Il a dit effectivement que cette maladie-ci sera réservée pour ceux qui nous haïssent. Ça veut dire que nous n'aurons pas besoin de dire back to sender pour quelqu'un que nous avons à la maladie. Parce que Dieu a déjà dit qu'il va s'occuper de cela. Et si quelqu'un pense à la maladie, c'est lui qui va lui donner la contusion. Mais nous voyons effectivement que c'est nous qui souffrons de cette même maladie et nous mourons comme un prince quelconque, comme disent les Saintes Écritures. Pas vrai, mes frères? Donc, cela étant, nous répondons donc clairement à notre chère bien-aimée sœur que malgré que le péché soit entré avec ses conséquences, nous voyons effectivement que Dieu se réserve une cargaison de maladies spirituelles à frapper sur la terre. Nous avons vu effectivement que ce Dieu venant dans la chair a montré son autorité sur les événements et sur les plaies qui frappaient les hommes. Le cas de cette femme de Luc chapitre 8, justement, qui avait dépensé son argent chez les médecins sans qu'aucun puisse la guérir ni la soulager. Mais au fur et à mesure qu'elle dépensait de son argent et ses biens, sa maladie s'empirait. Imaginez-vous les femmes, des pertes de sang pendant 12 ans. Imaginez quelle confusion elle pouvait avoir. Il n'y avait pas de couches Pampers aujourd'hui et vous appelez comment ces choses que vous mettez dans les cellules pour protéger le sang, comme là-bas. C'est sûr qu'elle attachait même les choses de banane et même les choses de. Enfin, de toute façon, c'est pour contenir ça, remarquez très attentivement comment elle a dû souffrir en ce moment-là. Elle ne pouvait pas être en public ni s'asseoir quelque part de peur de laisser les taches de sang là-bas. Elle ne pouvait pas visiter chez les amis, dormir quelque part tout tranquillement parce que le sang peut couler. Imaginez cette souffrance pendant 12 ans. Et non seulement durant ces 12 années, elle a continué à dépenser son argent pour chercher la solution. Donc l'homme dans la maladie cherche la solution. Regardez la multitude, malgré qu'en cette époque, il y avait des juifs qui étaient versés dans la médecine. Regardez la multitude des gens qui étaient paralysés, marchant et couchés à côté du réservoir des souliers des gens, chapitre 5. Le grand médecin était au milieu d'eux. Il suffit seulement qu'il dit, lève-toi et marche, et il se lève. Pour l'aveuglement, et aujourd'hui, on parle d'aller voir l'ophtalmologue. Nous avons toujours confondu ça avec la foi et la médecine. Vous voyez effectivement que Jésus, en allant dans son instrument de l'ophtalmologie, c'est la salive et de la poussière. En ayant fait la boue, il donne des bonnes lunettes pour pouvoir bien voir. Nous avons un grand Dieu, un grand médecin, qui peut faire voir n'importe qui, n'importe comment. Il suffit qu'il parle et la chose change. C'est effectivement le Dieu qui guérit. Il fait lever un paralytique qui n'a jamais marché depuis 40 ans et lui demande de marcher. Il prend son lit, il marche sans passer par la science de rééducation. Nous avons un grand Dieu, un Dieu qui est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. 23h48 ici à Douala et minuit 48 minutes. Frère Junior, j'ai deux questions. Posez la question. Par rapport à ce que tu dis. Oui. Ok. Donc, si quelqu'un a par exemple. Si quelqu'un a des hémorroïdes, par exemple, oui. Est-ce que c'est une maladie que le Seigneur a donnée? Si tu as touché l'âge de l'Alliance, ça peut être une maladie que Dieu a donnée. Ok, mais si c'est maintenant, alors? Si c'est maintenant, il y a des choses, si vous mangez des choses saines, vous savez, beaucoup de choses qu'on fait, des maladies, pardon, merci Père. Alors, dans l'Évangile de Corinthiens, chapitre 11, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Merci Père. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait là? Vous voyez? Allons-y là. Allons-y. Lisez le verset 27 à 34 du chapitre 11 de 1 Corinthiens 11. Oui. Allons-y, ma soeur, c'est toi qui lis, ma soeur Karine, lis. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voilà, dans un enseignement avec la Côte d'Ivoire, on a intitulé cela « La Sainte et Sainte tue ». Vous me posez la question, alors la question qui se trouve là derrière maintenant, c'est que qui me dit par exemple que la maladie qui est sauve maintenant n'est pas une conséquence du Seigneur? Personne ne peut le savoir. Et ceux de Corinthe ne savaient pas justement que les maladies dont ils souffraient étaient une conséquence d'avoir pris la table du Seigneur en vain. Or, ça c'est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, sous la grâce. Tout ce que nous lisions tout à l'heure, là, dans Deutéronome chapitre 7, verset 14 à 15, Exode chapitre 23, verset 25, 26, quoi, Exode chapitre 15, verset 26, c'était dans l'ancienne alliance. On pouvait penser que c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament, ici, le Saint-Esprit nous explique que c'est pour cela. Le fait que vous avez mangé et boire le corps, le corps et le sang de Jésus-Christ sans discerner, il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes. Donc, si cette lettre ne leur avait pas été écrite, ils ne vont pas comprendre le pourquoi quelqu'un est infime au milieu d'eux. Il dit, et beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc d'autres personnes sont mortes dans leur état de maladie parce qu'ils étaient coupables du jugement de Dieu. Or, le jugement de Dieu, ils ne vont pas parler par l'esprit que brrr, vous me désobéissez, vous me déshonorez. Non, il frappe, les contusions entrent. Il frappe, les hémorroïdes entrent. Il frappe, les gens font des accidents, ça les casse les pieds. Mais ils ne savent pas que c'est le jugement de Dieu. Or, ils sont enfants de Dieu. Donc, vous voyez, effectivement, on dit qu'un enfant est mort par suite de l'accident de circulation. Que d'autres est tombé là-bas, il a cassé les mains. Ce n'est pas normal. Il y a un signe qui indique quelque chose. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, ça veut dire que si un enfant de Dieu étant donc dans l'alliance avec l'enfant de Dieu, il ne parle pas dans quelqu'un qui n'est pas encore converti. Si vous n'êtes pas converti, on est vulnérable sur tous les plans. Alors, lorsqu'on est converti et que certaines choses nous arrivent, on doit aller à la source pour demander justement quelle est la cause de ces choses. C'est donc pour cela qu'il y a un autre enseignement là-bas par rapport à notre vie spirituelle, chercher la cause lorsqu'on a des problèmes d'ordre spirituel. Que faire? Alors, vous voyez, ces choses, quand ces choses sont dites dans les Saintes Écritures, il faut qu'on fasse attention. Les deux points que nous devons comprendre, c'est que ces gens étaient malades sans savoir que c'est à cause du Seigneur Jésus qui était malade. Ils pouvaient être en assemblée en chassant les démons le démon de la maladie, en disant « Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. » Alors que là, ce n'était pas des démons. C'est Dieu qui avait donné cela pour les juger. Et Dieu les frappait, les châtiait. Ça, c'était le châtiment de Dieu. Donc la maladie, l'infirmité qui était au milieu d'eux, les maladies qui étaient données, c'est pour les châtier, pour les corriger, en fait de corriger par rapport au péché qu'ils avaient commis. Pour les retirer, pour les ramener à l'ordre. Amen. Alors, la Bible nous déclare que chacun se juge soi-même. Si nous nous jugeons, nous ne serons plus condamnés avec le monde. Ça veut dire que Dieu ne doit pas nous frapper, comme il a dit, qu'il va frapper plutôt les gens qui vont venir nous haïr. Alléluia. Amen. Bon, ma deuxième question. Oui. Tu avais fini? Non, je voulais dire, si les médecins sont fatigués, il ne faut pas qu'ils fatiguent davantage pour votre travail de main. On prend la deuxième partie ou bien on finit rapidement. Parce qu'il va toucher dans l'aspect. C'est pas long. Oui. Je crois que c'est pas long. Oui. J'espère. Oui. C'est juste pour dire. Là, je remarque dans la Bible que chaque fois que le Seigneur Jésus guérissait, oui, c'était des cas graves, oui, des cas qui avaient dépassé les hommes. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas vu, bon, peut-être ce n'est pas seulement écrit, oui, où le Seigneur a guéri quelqu'un qui a mal à la tête. Oui, vous voulez, tu veux voir? Si je peux, oui, parce que, en fait, j'ai l'impression, oui, que j'ai une impression que, oui, ok, le Seigneur nous laisse. Bon, ben, c'est pour ça qu'il a peut-être permis qu'il y ait des médecins. Ok, soigner les petits trucs, si là, moi, les gros, c'est pour moi, quoi. En vraiment fait, si je paraphrase comme vraiment ça. Dieu est dans les petites choses comme dans les grands. Pas vrai, ma soeur? Amen. Il est dans les petites choses comme dans les grands. Je vous pose la question. Mm-hmm. Mm-hmm. N'a-t-il pas, n'a-t-il, de quoi a-t-il guéri la belle-mère de Pierre? D'une fièvre. Mais la fièvre est conventionnelle. Vous le guérissez, pas vrai? Oui. Donc, il a participé. Voilà, on continue. Alors, maintenant, amen, nous allons voir dans l'aspect. Si vous n'êtes pas fatigué, on avance. On y va. La seule Doris a déjà disparu de la circulation. Je vois seulement la brosse à dents. Je suis quand même poli, je vous aurais dit au revoir quand même. Ok, ma soeur. Donc, je vais vous garder quand pour longtemps. Oui. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent maintenant que nous avons ici une plateforme des médecins chrétiens qui ont pour but, le but de cette plateforme, c'est d'essayer d'aider ceux qui veulent se battre avec la médecine avec leur foi, de pouvoir prendre la part des choses maintenant, comprendre ce que la médecine explique, les dangers de la médecine, les différents aspects, prendre ce qui est bon dans cette médecine-là, et pour ce qui est du trouble de leur foi, tenir ferme aux saintes paroles du Seigneur, Et de l'autre côté, nous sommes en train de vouloir, par cet enseignement, s'y montrer effectivement que le monde souffre et nous avons besoin de la guérison. Et qui est le vrai guérisseur sinon le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Et donc pour cela, il faut que nous tous, que nous soyons médecins, que notre main soit ses mains pour pouvoir guérir. Que nous soyons prédicateurs, amen, que notre bouche soit la bouche pour guérir. Que nous soyons n'importe quoi cuisinier, que notre nourriture que nous allons préparer soit une source de guérison. Que partout nous soyons, amen, que notre guérison soit là, que notre marche fasse entrer la vie de Christ afin de guérir un monde qui se meurt. Voilà le but pour lequel ce groupe de médecins a été donné. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons nous aventurer maintenant dans la façon biblique dont maintenant, qu'est-ce que la Bible en pense par rapport à l'accouchement par césarien et la péridurale. Nous sommes à 1h45 minutes de travail maintenant. Je ne sais pas si on pourra supporter, à moins que je vais vraiment vite maintenant en forme marathonienne. Qu'est-ce que vous pensez? Va aller, frère. On continue. La sœur Loris. La sœur Loris, la sœur Loris parle. Oui, la sœur Loris, je crois que si c'est possible, si tu sens que tu es fatigué, sors des sites et tu vas te coucher. Tout en pensant à ce que Dan Gilbert nous a dit tout à l'heure là, que tous les médecins là prescrivent le poison aux gens. Qu'on évite la médecine le plus grand. Ce que je voulais juste préciser, oui. Ce que je voulais préciser par rapport à la blouse blanche, c'est ça, blouse blanche pour Jésus. Blouse, c'est que les médecins ou c'est le corps médical? Oui. Parce que tu m'as rajouté, mais moi je suis pas médecin. Oui, mais tu fais partie de la des pros de loi. Lorsque nous allons toucher le cadre des personnes âgées, le soin donné par l'amour, puisqu'il y a l'aspect psychologique qu'on enseigne aux médecins, comment rassurer les patients, même quand ils sont dans la phase terminale, il faut que l'aspect du visage, c'est ce qu'on leur apprend à l'école, que l'aspect du visage, notre aspect, la présentation devant le malade, puisse le rassurer pour pouvoir lui donner confiance en la personne qui se trouve devant, n'est-ce pas, les médecins? C'est ce qu'on leur apprend. Je suis infirmière. Et voilà. Et donc. Infirmière à domicile. Voilà, les infirmières à domicile. Vous faites partie du corps médical parce que tu es dans le domaine de la médecine. Et par conséquent. Donc, parce que tu as dit médecin. Médecin, c'est pas pareil. Il faut qu'on précise les choses. Bon, si on parle de médecin maintenant, sur le sens, dans le sens biblique, c'est toute personne qui apporte la guérison. En parlant de la parole, la Bible déclare le juste en programme la guérison. Dans ce cas, je suis médecin. Dans ce cas, je suis médecin parce que le Seigneur me fait grâce tous les jours. Voilà, et tu guéris les âmes qui étaient désaltérées, n'est-ce pas, désemparées. Tous les jours, le Seigneur me parle, il me fait grâce. Bienvenue donc dans le monde. Je suis vraiment le médecin du Seigneur. Eh bien voilà, porte donc ta blouse et installe-toi confortablement pour guérir dans les âmes qui sont en déperdition. Amen. Voilà. Bienvenue au milieu de nous. Et si je peux juste rajouter une chose, depuis que qu'on connaît vraiment le Seigneur, on va plus chez le médecin. Dès qu'il y a un souci, on prie, le Seigneur nous fait grâce. Et puis, médicaments, c'est fini, on n'en prend plus. Il fallait plus. N'importe quoi. Il fallait plus. Bienvenue à l'autre. Tu nous serviras des témoignages plusieurs fois. C'est lorsque nous allons aborder les thèmes qui concernent cela. Tu vas nous livrer le secret de ta foi en tant que médecin. Comment vous parvenez à ne pas aller chez le médecin? Médecin de Christ. Pas médecin des hommes. C'est pas la même chose. Amen. Précise. Et nous allons toucher également le cadre des cubes oniques, les cubes dans la nourriture, les huiles raffinées, comme par exemple la nourriture de manger les chips faites avec l'huile raffinée. En quoi est-ce que l'huile raffinée, c'est elle qui présente, et à partir de là, nous voyons certains aspects de travail que nous allons faire. La consommation de notre nourriture aujourd'hui, jusqu'où peut-on aller avec les produits chimiques dans le corps? Quelle tolérance on peut avoir avec le corps? Nous allons voir maintenant notre alimentation à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons voir les aspects de la Bible tels que la Bible déclare de vendre tout ce qu'on sait, de manger, tout ce qu'on vend sur le marché sans s'enquérir de quoi que ce soit. Est-ce pourtant que nous allons acheter des tomates empoisonnées, des tomates et toutes ces choses-là que les Chinois fabriquent, le poisson qui sont fabriqués par les Chinois, des crabes qui sont fabriqués par les Chinois et boire n'importe quel jus qui sont donnés? Là est la question. Nous allons examiner tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Ce sont des sujets sur l'alimentation à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons voir tous ces aspects-là. Veuillez bien noter que nous examinions cela les prochains jours. Que Dieu vous bénisse. L'huile raffinée, l'huile de tournesol, l'huile de canne, ainsi de suite. Nous allons voir tout cela. Alors, nous allons voir donc dans le dernier volet maintenant, si vous le permettez, si vous n'êtes pas fatigué, je le répète encore, je ne voudrais pas vous fatiguer davantage. Parce qu'un médecin qui est sous la pression psychologique ne peut pas exercer son métier. On lui demande d'aller à la maison, d'enlever sa blouse, pas vrai? C'est un danger pour les patients. Vous me donnez le quitus maintenant et puis je continue. Ou bien le quitus, on arrête. C'est bon, on t'a dit ma copie. Vous allez. Genèse chapitre 3. Donc, nous allons voir la pensée de Dieu. Et je vais vous montrer l'aspect de la période durée telle que présentée par la parole de Dieu. Oui. Genèse chapitre 3. Genèse du chapitre 3, oui. Nous y sommes. Lorsque vous avez ouvert, je vais faire un commentaire d'avant encore nous lisions. Je crois qu'il ferait mieux d'arrêter de faire des commentaires avant qu'on le fasse. Je vais d'abord dire que de tous les temps, l'homme a toujours voulu se soustraire de la volonté de Dieu. De tous les temps. L'homme a toujours. C'est d'où naît la naissance de l'homme par suite de son orgueil et de sa rébellion. L'indépendance de l'homme a toujours été sujet à discussion entre lui et la loi de Dieu. Parce que l'homme a toujours voulu être indépendant et dans la liberté. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse, chapitre 10, chapitre 11, où les hommes ont commencé à se multiplier et les hommes ont commencé à dire maintenant qu'il faut qu'on se regroupe sur la terre dans un autre endroit de peur d'être dispersé. Alors, cette entreprise que les hommes avaient décidé de fonder et d'être un, une même force pour pouvoir contenir toute velléité de monde extérieur, c'était un affront directement à Dieu. Parce que si les gens se réunissent quelque part de peur d'être dispersés, ils sont en train de dire que quelqu'un d'autre va les disperser. Pourtant, ce sont les hommes seuls qui sont là-bas. Donc, disant de peur que nous ne soyons dispersés, il montre clairement qu'il y a une force extérieure ou une personnalité extérieure qui est censée les disperser quelque part. Donc, cette parole-là est en train de lutter contre la volonté de la personne qui l'avait dit. Or, initialement, Dieu avait dit qu'on parte se disperser, qu'on remplisse la terre, qu'on l'assujettit. Et de l'autre côté, l'homme ne veut pas cette dispersion-là. Donc, dès l'enfance, dès la genèse de la chose, de la création, l'homme a été toujours en rébellion avec Dieu. Et la rébellion à la loi de Dieu a été toujours, et se trouve quoi, diverse dans différents aspects de la vie humaine. L'un de ces aspects-là, c'est dans ce que nous allons lire maintenant. Et que nous voyons ce soir, l'avortement et la péridurale à la lumière de la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 14, 15 et 16. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà, donc plusieurs lois sont dites ici. J'ai dit, j'aurais souhaité me balader dans les Saintes Écritures maintenant. J'aurais souhaité aller toucher une autre loi. Vous voyez comment Dieu pose une question. Et puis vous voyez comment les hommes font pour pouvoir se soustraire de ces choses-là. Vous voulez qu'on en voit quelques-unes. Je souhaitais vraiment toucher certains aspects avant d'y revenir. Mais en regardant que la blouse blanche commence à devenir beige, là, je comprends qu'il faut que je vous laisse déjà vous reposer. Vous permettez qu'on y aille. Allons-y. Voilà. Donc ne fermez pas ce livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons y revenir pour regarder les différentes lois qui sont données. Mais allons-y quelque part. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Jérémie. Le livre du prophète Jérémie. Oui, tu peux passer. Enfin, je trouve plus de pages. C'est comment, ma soeur? Il est juste de passer ce soir et toutes les pages facilement, c'est bizarre. Oui. Jérémie. Toutes les pages, dès que tu dis un truc, je tombe dessus, je dis, mais c'est bizarre. Oui. Permettez-moi de prendre Jérémie, ma Bible. Permettez-moi de prendre ma Bible là. Voilà, Jérémie chapitre 13, allons-y au chapitre 13 de Jérémie. Où est-ce que ma Bible se trouve là? Oui. Vous allez voir quelque chose. Permettez-moi de trouver. Jérémie le chapitre 13. Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà. Maintenant, écoutons très attentivement. Je vous ai amené ici parce que je vais toucher la loi et l'affront à cette loi-là par l'homme. Quand Dieu pose, il y a certaines questions que Dieu pose. Il le sait, il sait pourquoi il le pose. Nous allons lire ces choses-là dans ces livres de Jérémie. Mais cette phrase-ci, nous allons y revenir. Je vais revenir dans un autre enseignement concernant un sujet bien déterminé sur le mensonge gouvernemental et par rapport aux esprits qui se trouvent derrière. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Un Éthiopien, Jérémie chapitre 13, verset 23. Oui. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Voilà. Dieu pose une question. Et les deux questions, la question qu'il pose, c'était pour aller sur le plan spirituel. Parce qu'il a dû menacer Israël depuis le premier chapitre en disant, lui dénonçant ses œuvres, pour qu'il puisse changer et revenir au bien. Et il voit effectivement qu'il ne peut pas changer. Mais avant de faire cela, il prend l'aspect de deux êtres, l'Éthiopien et le léopard. Regardons l'animal léopard. De quelles tâches Dieu demande-t-il au léopard s'il peut changer? Ça, ce sont les taches avec lesquelles il est né. Oui. Le léopard, la nature du léopard. Voilà. Le léopard a quelle tache donc? Comment il décrit le léopard physiquement? Tache noire. Voilà, Tache noire. tache noire. Maintenant, et de l'Éthiopien, il parle de qui est-ce qu'il parle? Quelle couleur a l'Éthiopien? Il est noir. Il est noir. Il est marron. Ok, c'est ça, ma soeur. Là, c'est le risque. Alors, je pose la question. Qu'est-ce que les Éthiopiens font aujourd'hui? En fait, l'Éthiopien donne des balises, c'est l'Africain, n'est-ce pas? C'est maquis. Dites-moi ce qu'elles font aujourd'hui. Dépigmentation. La dépigmentation. Voilà. C'est pas moi qui dis cette fois-ci. C'est pas moi qui dis. Alors, Dieu pose la question, si un Africain peut-il changer sa peau? Qu'est-ce que la science lui dit aujourd'hui? Un caribou, non? Oui. Non, non. C'est une question directe. La réponse ici, c'est soit oui, soit non. Pas vrai? J'ai dit, je vais revenir sur l'aspect de ce questionnement. C'est parce qu'en réalité, il parle du changement d'Israël pour faire le bien. Or, Israël va changer et le siège pour faire le bien. Maintenant, regardez, regardez très attentivement. Dieu pose la question, est-ce qu'un Africain ou bien un Éthiopien peut-il changer sa peau? C'est-à-dire que pour que sa peau quitte la couleur noire ou bien marron comme le chocolat, comme la soeur a dit, pour devenir comme pour Jennifer Lopez, ainsi de suite, au-delà. Hein? Marilyn Monroe. Alors, quand Dieu pose la question, si cette question s'était posée maintenant à un scientifique, un Africain peut-il changer sa peau? Il dira quoi? Oui, avec certitude. Oui, avec certitude. Johnson. Mais Dieu est en train de poser une question d'ordre spirituel ici derrière. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Diamant. Non. Bon. Ça imagine. Pourquoi Dieu, après avoir pris l'homme, prend l'animal? Bon, voilà l'homme qui est parvenu à faire. Est-ce que l'animal pense même faire pour changer sa peau? Non. C'est pour dire que l'homme est tombé plus bas que l'animal. Plus bas que l'animal. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est un vrai médecin. Bête. C'est un vrai médecin. Alors, allons au chapitre 3. Voyons quelque chose encore. C'est intéressant. Avant de revenir dans le livre de Genèse, chapitre 3. Vous allez encore voir ces choses-là que dans votre société, là que vous vivez en Europe, vous allez voir que c'est monnaie courante. Donc, ça dit que c'est pour ça que cette Bible ne passe même pas le marché là-bas. Regardez. Verset 1 du chapitre 3. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie chapitre 3, verset 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme-là retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas dans vos pays qu'il y a les groupes de forums d'échangistes? Où les gens amènent leurs femmes et font que d'autres personnes couchent avec leurs femmes et pas ensuite couchent avec les femmes et ils reviennent. N'est-ce pas chez vous, ça se passe? Même au pays maintenant, c'est pas. Oui, non. Commençons d'abord là où la source et on parle là où il y a le château d'eau pour le robinet. Donc, alors, ce que je viens de dire, c'est si cette question-ci est posée à un Européen, il n'y verra pas d'inconvénient, pas vrai? Parce que pour eux, quelqu'un qui pratique ce style de vie, ce sont des gens qui sont évolués. Pour eux, ils parlent de l'évolution. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas rétrogrades. Ils ne sont pas enfermés, embrigadés dans un fanatisme religieux. Ils ne sont pas contrôlés par un livre qu'on dirait sorti des cieux pour un dieu, une divinité qu'on ne voit pas et qu'on ne voit jamais ses effets. Alors, ils diraient qu'effectivement, c'est une connerie, ces choses-ci. Pas vrai? Alors, comme je dis dans mes propos, l'homme a dit toujours contre la loi de Dieu et tente de faire toujours contre la loi de Dieu. Il y a dans les laboratoires des secrets maintenant qui font, on fait tout et tout pour maintenir en vie, les processus pour maintenir le cerveau humain en vie. Comment faire pour stopper le processus de la vie, quoi, de la mort? Donc, ils cherchent le remède contre la mort. Ils parlent de clonage, des tentatives de clonage. Toutes ces choses qu'ils présentent dans les films, c'est pour préparer les gens psychologiquement à un aspect scientifique qui doit se réaliser sur la Terre. Tentative de clonage. Souvenez-vous, j'avais parlé dans une histoire, dans un enseignement, je crois que c'est chez la sœur Olise là que ça s'est dit. J'espère que ce n'est pas un patient qui fait des crises d'asthme accéléré. Alors, je t'en ai dit donc que dans un enseignement, j'avais parlé des poupées sexuelles qui venaient parce que je les avais vues dans une usine, parquées, et ils avaient des âmes à l'intérieur. C'était terrible ce que j'avais vu. Chaque fois que j'y pense avec cette vision-là, ça me donne vraiment, vraiment de la nausée. Parce que ce que j'ai vu là-bas, je ne sais pas savoir comment décrire ça sur le plan humain. C'est-à-dire que ce sont les choses qui sont faites quelque part avec des pensées. Les concepteurs sont inspirés par des divinités étrangères. Ils ont l'expression, ils veulent exprimer leur désir sur la terre et ils cherchent des gens qui vont appeler scientifiques. Ils commencent à présenter d'abord l'aspect l'aspect quoi d'utilisation pour l'aide dans le cadre humain, dans les tâches quotidiennes, ainsi de suite. Les avantages. Ils ne montreront jamais l'inconvénient sur l'âme des gens. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas justement que les gens comprennent les conséquences sur l'âme. Alors, ces choses que j'ai vues, vous voyez effectivement que la science fait cette même chose. Découvre des choses, ils sont là pour travailler pour des choses sur lesquelles l'homme va trouver son bien-être. En fait, le but, c'est distraire l'homme au maximum pour tuer le reste de la divinité qu'il a en lui. Voilà le but de toute cette découverte. C'est pour élever l'homme au détriment de Dieu. En fait, ce qu'ils disent, c'est quoi? C'est que votre Dieu qui dit qu'il existe, voici, nous le défions, nous défions ces choses. Toutes les lois spirituelles, nous les défions et nous faisons tout contre cela et rien ne nous arrive. En fait, voilà le défi de la science à la fois. Mais un de ces jours, quand le Seigneur va se lever, comme a dit le prophète, pour effrayer la terre, tout hautain sera balayé en un instant et il va les regarder comme ça, ils seront tous fumants. On sortira, on va les voir, ils seront du fumier. Et il va appeler les aigles du ciel et tous les oiseaux du ciel de venir manger la chair des grands de la terre. Amen. Rentrons dans notre Genèse chapitre 3 donc, et voyons donc la loi de Dieu. Donc, nous avons vu dans le livre de Jérémie chapitre 13 verset 23 comment Dieu a posé la question. Si un noir peut changer la question, on a dit que oui, caribou là, ça fait ça, l'urgence en fait ça bien même aujourd'hui. Il a posé la question si un homme qui répudie sa femme et en épouse une autre peut encore retirer. Si cette femme là va et couche avec un autre homme, est-ce que cette femme là a le droit encore de revenir vers son mari? Il dit que si cet acte là est posé, c'est que tout le pays est souillé par cet acte. Un seul acte est sous le pays. Ils ont organisé plutôt les forums maintenant au point où il y a des défenses même de cela. Le défense des échangistes. Attendez. Chapitre 3 dans le verset, chapitre 3 de Genèse. Verset 16. Intéressons-nous au verset 16. Je crois que je vais vite faire. J'aurais souhaité vraiment balayer cela dans la Bible. Je vais quitter des Genèse, des livres, des premiers livres, et puis je vais aller directement dans le dernier livre pour conclure avec la péridurale. Donc ici, nous allons parler des accouchements difficiles. Oh, j'aurais souhaité vraiment balayer cela dans les Saintes Écritures. Mais s'il arrive que je ne parviens pas à finir, je vais vous donner des versets pour que vous allez lire. Alors, le verset 16 dit encore une fois de plus, il dit à la femme, c'est Dieu, souvenons-nous, c'est Dieu qui est en train de dire. N'est-ce pas, mes sœurs? C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle. Il dit à la femme, il a de lui donner la punition. Remarquez bien que pour le serpent, sa punition n'a jamais été discutée. Il ne s'est jamais pas battu pour sortir de sa punition. C'est l'homme, c'est le cadre de l'homme, c'est l'homme qui dérange. Il dit à la femme, j'augmenterai. C'est Dieu qui dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Donc à partir d'ici, une loi est donnée à la femme que la femme doit enfanter avec la douleur. Pour par suite des conséquences de ce qu'elle a fait introduire dans le monde. Dieu prophétise ici qu'elle a enfanté avec douleur. Et l'autre aspect, on va parler de la guérison du cœur dans le type de brisement du cœur du foyer. L'aspect psychologique pour impliquer dans le divorce. Comment les conseillers, puisque les médecins également sont des conseillers psychologiques par rapport à cela, nous allons toucher les blessures sentimentales créées. Comment en guérir? Les blessures sentimentales, comment en guérir? Comment s'en sortir? Pour ceux qui sont abandonnés, déçus par leur conjoint, comment la médecine moderne, par la psychanalyse et l'hypnose, parvient à résoudre ces problèmes-là. Nous allons voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons revenir ici. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. L'aspect tes désirs et dominer sur toi ne nous intéresse pas. C'est le premier aspect. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Donc, voilà les deux lois que Dieu a données concernant l'enfantement, lorsqu'il y aura des grossesses. Alors, Dieu n'a pas défini quel style de douleur il aura. Dieu n'a pas défini quelle souffrance il aura. Ça veut dire que depuis le moment où il y a la gestation jusqu'au moment où l'enfant sort, tout ce qui se passe, vous allez voir effectivement qu'il y a ce que vous les médecins vous appelez les fausses contractions. Et on commence à dire par exemple que c'est lorsqu'il y a tous les 5 minutes ou même tous les 15 minutes, ça vient deux fois ou trois fois, alors c'est les bonnes contractions, il faut se préparer. Si on voit un écoulement de liquide blanchâtre, il faut qu'on se prépare, on fait les couches pour courir vers les hôpitaux. Donc avant cela, toutes les douleurs qui se passent, l'enfant lui-même reste souvent dans le ventre où effectivement l'enfant dit, mais Dieu avait dit à la femme, si qu'elle doit enfanter dans la douleur, elle cogne un peu en bas de bas avant, boum, la maman dit, aïe, j'ai mal ici. Vous voyez effectivement que c'est exactement ce qu'il en est. Donc Dieu n'a pas spécifié la douleur que la femme doit passer. Alors en conséquence, tout ce qui se tourne du moment de la conception jusqu'au moment de l'accouchement, toutes les douleurs qui se tournent tout autour, les pieds qui enflent, les battements de cœur qui s'accélèrent, la personne qui crache, et tout ça sont la somme des douleurs dont Dieu parlait. Amen. La chose, c'est, après l'accouchement, justement, vous voyez effectivement que tous les petits bobos dont la femme souffrait, petit à petit, le corps se relâche et revient à son état normal. Ça veut dire que toutes les douleurs qui traversaient durant cette période-là, ce sont des douleurs dont Dieu parlait. Pour d'autres personnes, c'est plus accentué. D'autres personnes, c'est plus assorti plutôt à la fin. Il y a des gens qui n'expérimentent même pas les pieds enflés. D'autres personnes qui n'ont pas de douleurs, des battements, où les enfants cognent trop dans le ventre. D'autres personnes, depuis le premier jour, l'enfant commence à boxer. Nous voyons un cas de personnage dans la Bible, en la personne de Rebecca, qui étant enceinte, a eu cette douleur là, au point où elle est allée encore prier, Dieu pour savoir mais comment cette douleur est intense. Dieu lui a dit que c'est deux nations qui bagarrent dans son ventre. Donc son ventre était devenu le ring de boxe entre Esaü et Jacob. Depuis le ventre de leur maman qui boxait, et on pouvait voir le ventre de Rebecca gonflé à tout vent de douleur. Alors donc la première chose ici à faire, c'est que Dieu a dit que la femme doit enfanter dans la douleur. J'ai dit, je suis en train d'aller vraiment vite, je vais sauter vraiment entrer en profondeur. Dans la Bible, donc, vous allez voir à presque 6 reprises dans le livre des prophètes cet aspect des douleurs de l'enfantement, ce groupe de mots de douleurs de l'enfantement. La douleur de l'enfantement, c'est une prophétie pour montrer effectivement que tout ce qui est précieux du côté de Dieu. Parce que souvenez-vous que la femme est le type de l'église. La femme est le type de la femme de Dieu. Voilà. Maintenant, de la même façon, notez donc effectivement sûrement Apocalypse chapitre 12. Merci Père. Apocalypse chapitre 12. Voilà. Apocalypse chapitre 12. Si vous lisez le verset 1 et suivant du chapitre 12, comme nous sommes dans l'Apocalypse là, la Bible parle de ce mystère de la femme qui était enveloppée dans le soleil. La Bible déclare au verset 2 qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc, vous voyez effectivement que même dans les prophéties parlant d'Israël, parce qu'ici, en fait, il est question d'Israël, même dans les prophéties parlant d'Israël, on voit effectivement qu'en image, Israël était souffrant. Et on prend toujours cet aspect-là des douleurs de l'enfantement. Donc, dans le plan de Dieu, il n'est pas question que la douleur de l'enfantement cesse, parce que ça a un but précis. C'est pour produire quelque chose de précieux. Parce que de cette douleur-là sort, quand vous allez voir effectivement le premier accouchement, au chapitre 4, justement, quand Ève va pousser avec douleur, elle va... Allons-y, chapitre 4, je crois que nous y sommes. Regardez. Vous y êtes. Adam connut, verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Ce n'est pas le péché originel dont on est de parler maintenant, c'est les douleurs originelles. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez cela? J'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Parce que la douleur du premier enfantement, et vous voyez effectivement que pour ceux qui sont dans les premiers pas, puisque nous parlons des péridurales, généralement c'est conseillé pour les gens qui sont dans le cadre des premiers pas, à 45%, sous ceux qui passent par là pour éviter cette douleur-là. Or, c'est justement les premiers pas-là, Dieu veut les montrer de la civilisation que vous allez comprendre pourquoi vous avez amené le péché sur la terre ici-là. Et vous voyez effectivement que lorsque la douleur est donnée, au produit, c'est ce que la maman a fait, c'est votre première maman a fait ici. Lorsque l'enfant est sorti, elle a dit, ouf, en fait, ce qu'il a dit dans le langage simple, c'est que, ouf, si ce n'était pas Dieu, il devait rester sur cette table d'accouchement. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça que toute femme, que la femme soit mauvaise, sorcière ou n'importe quoi, lorsqu'elle part pour l'accouchement, elle devient tendre durant ce moment-là parce qu'il y a un aspect d'une vie nouvelle qui va sortir d'elle. Il dit même la plus grande des sorcières, quand elle est sur le table d'accouchement, elle n'invoque pas Satan. Que non, elle n'invoque pas Satan. Là-bas, c'est l'aide de Dieu. Alors, lorsque Dieu dit à la femme que j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur, ce n'est pas pour rien. Parce que souvenez-vous que Dieu ne parle pas naturel. Toute chose que Dieu parle est d'ordre spirituel. Il a dressé référer de quelque chose de spirituel. Et dans cette Apocalypse chapitre 12, dans la Bible déclare que cette femme qui était enveloppée du soleil était enceinte et elle criait étant dans les douleurs de l'enfantement. Et puis la Bible déclare que par les cris de cette douleur-là, elle a fini par enfanter un premier fils, un fils mâle qui doit perdre les nations avec une verge de fer. Or, nous voyons effectivement ici que cette femme qui était en douleur de l'enfant, dans la douleur de l'enfantement, c'est Israël qui était là pressé et oppressé pour produire justement la postérité qui devait perdre dans des nations avec une vache de fer. Donc il n'y avait pas possibilité de faire à ce que d'injecter un péridural sur Israël pour que cette chose, que la personne du premier-né de Dieu, c'est-à-dire que cette personne-là qui devait perdre la nation, ne devait pas sortir avec gentillesse, il ne devait pas sortir sans difficulté. Il fallait qu'il sorte au milieu de la pressoir. C'est pour ça qu'avant d'aller à Golgotha, il est passé par Golgotha, le lieu du pressoir de l'huile. Il a fallu qu'il presse là-bas pour que les produits finissent comme ça, comme nous puissions sortir à partir de Golgotha. Alléluia. Donc à Gethsemane, quand il est allé à Gethsemane, il a prié jusqu'à ce que la sueur coule comme des grumeaux de sang. Il a fallu qu'il nous presse, nous épuise là-bas pour que toutes ces choses, ce poids-là puissent passer par là-bas. La douleur de l'enfantement. L'apôtre Paul, mon grand frère, dirait également dans le livre des Galates au chapitre 4, qu'il dit, dans cette expression, « Mes enfants pour qui je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc effectivement que pour que Christ soit réellement formé, il y a des difficultés. il y a des luttes au-dedans, des luttes au-dehors, pour que le prédicateur puisse faire asseoir la doctrine chrétienne de telle façon que les gens puissent être en maturité de Christ sans plus aller en tout vent des doctrines. Les difficultés qui viennent là-bas, tout autour de la prédication, les obstacles, les gens qui empêchent la prédication d'entrer, sont ce que la Bible est en train d'appeler les douleurs de l'enfantement. Et Jésus donc, notre Seigneur, je sentais d'aller vraiment vite là, je souhaitais vraiment m'étayer là-dessus doucement. Et Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ disait que lorsqu'une femme, lorsqu'elle est dans les douleurs de l'enfantement, et elle pleure parce que son heure est arrivée. Parce que si cette femme-là avait la péridurale, elle ne devait pas se soucier du quoi que ce soit parce qu'elle sait qu'elle va traverser cette douleur. Mais elle dit, mais lorsque l'enfant est né, elle est contente de ce qu'un enfant est né dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une relation entre l'amour, la douleur et l'enfant qui est né. Vous voyez cela? Alors, j'aurais souhaité vraiment que nous prenions du temps. Mais maintenant, regardons la péridurale maintenant, en fin de compte. Dieu a promis une péridurale sur l'humanité lors de la résurrection. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, lisons et terminons là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La péridurale divine maintenant, c'est ça que nous découvrons. Péridurale divine. C'est ce que la vérité. Chapitre 21, verset 4. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de dire péridurale, mais quand vous allez lire, vous allez savoir que c'est la péridurale. Parce qu'en fait, par définition, la péridurale, c'est l'assistante de la naissance sans douleur. Pas vrai? On essaie d'injecter entre la troisième et la quatrième verticale lombaire là-bas. Pour que la douleur touche dans cet espace-là, pour que la colonne, comme j'ai dit dans le départ, c'est pour que ça tue les nerfs de la douleur. Vous parlez de douleur. Ça veut dire qu'il va injecter quelque chose pour empêcher la douleur. Alors, allons-y. Verset 4, qu'est-ce que ça dit? Il essuiera toute l'âme de leur... Ah, pardon. Oui. Vas-y, ma soeur. Non, vas-y, mon frère, le bébé pleure, ça va. Oui, oui, voilà les douleurs comme ça, voilà les larmes des yeux. Ferme ton micro, ma soeur, pour qu'on ne soit pas les larmes. Apocalypse 21, verset 4. Oui. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Oui. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, quand Dieu va injecter dans sa péridurale, on dit clairement qu'il n'y aura pas de pleurs, pas de cris d'enfantement, pas n'importe quoi, il n'y aura plus des douleurs, la péridurale spirituelle. Et ceci n'a été fait, a été possible uniquement par le sang de Jésus. La véritable péridurale, pour qu'on ne puisse pas avoir les douleurs plus tard, c'est uniquement l'assistance par le Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ Jésus, Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Bonsoir et bienvenue. Souvenons-nous, en résumé, nous avons vu que le Seigneur notre Dieu est notre guérisseur, n'est-ce pas? Il a promis de nous guérir et il a promis qu'au milieu de nous, s'il y a des pestes, il va nous conduire. Et il va faire de telle sorte que personne ne puisse nous toucher. Et maintenant, il est notre Dieu qui nous guérit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. That healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord. Your healer. I am the God that healed thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God. Lord, my healer, sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord.